je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison 3, 4, je ne sais plus, 4 déjà, de Ludologie, donc le podcast qui parle du jeu sous toutes ses formes. Je pense que au bout de 4 saisons, vous devez être habitué maintenant, on va peut-être même arrêter de dire ça. Donc Ludologie qui parle donc de jeux de société, jeux vidéo et jeux de rôle papier sur table ou freeform. On vous laisse tout à fait libre de la forme dont, enfin, que vous voulez. Et notre tradition, comme vous le savez, si vous êtes fidèle du podcast, c'est en fin de saison de faire une sorte de petit débat, de petite chronique, une petite suite de chronique plutôt, entre nous, parce que c'est vrai qu'il y a des thèmes qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder avec nos invités, et pourtant qu'on aurait bien aimé creuser. Mais on se contraint en tout cas à un ou une invitée. Parfois plusieurs, mais c'est plus rare, et à un seul sujet, pour vous offrir en tout cas un podcast le plus cohérent possible. Et là, voilà, c'est la fin de saison, on a envie d'être un peu plus en mode détente. Pour m'accompagner, comme toujours, nous avons donc Célène, Fanny et Manuel, donc les trois, animateurs et animatrices avec moi-même donc pour ce podcast. Et alors on a chacun pris un sujet qui nous tient à cœur ou pas, d'ailleurs ce serait très rigolo de voir s'il y a des choses qui ne vous tiennent pas à cœur, mais en tout cas des sujets qu'on souhaitait aborder, et on va tirer à Shifumi le premier sujet. Alors, est-ce que vous êtes prêts les amis? Oui, 1, 2, 3. Alors, nous avons bataille de ciseaux entre moi et Célène. T'es prête ? 1, 2, 3. Et je gagne. Super, je garde le micro. C'est génial. C'est magnifique. Alors moi, je voulais aborder, en fait, peut-être que celles et ceux qui nous écoutent le savent, Ludologie donc est basée, enfin en tout cas l'équipe de Ludologie est basée sur Rennes et est assez proche de notamment l'association 3-8 Combo. Par exemple, Émeric Lenné, le coordinateur général et premier salarié de l'association, est quasiment le parrain, en fait, même le parrain du podcast, puisque c'est lui qu'on a eu comme premier invité. C'était sur C'est quoi un jeu, tout simplement. Et en fait, vous le savez peut-être, 3-8 Combo, c'est une association qui fait donc de l'éducation populaire autour du jeu vidéo. Et organise depuis 13 ans maintenant, je crois, le festival Stunfest, où il y a, donc à la base, c'était une compétition de jeux de combat, de jeux vidéo de combat. Puis après, ça s'est développé avec des speedruns, des performances, des concerts, des conférences que vous allez pouvoir écouter tout l'été dans Ludologie, et que vous avez déjà un peu commencé à écouter il y a 2 semaines. Et en fait, cette année, donc, il y a eu un déficit d'argent sur le budget de cette année. Un déficit qui s'explique très simplement parce qu'il y a eu 30% de billetterie en moins sur de billetterie payante. Et donc du coup ça crée des problèmes au sein de l'association. J'y reviendrai pas forcément aujourd'hui, c'est pas le sujet de ma chronique, mais moi ma chronique je voulais la faire sur tout simplement ce besoin que les joueurs et les joueuses ont de se retrouver, parce que même si ce festival a eu des entrées en moins, au vu des conditions notamment d'accessibilité, puisqu'il y avait des grèves, etc., la gare était fermée, tout un tas d'éléments qui font que les gens n'ont pas pu forcément se déplacer, et bien mine de rien, le festival a fait 12 000 entrées, alors pas toutes payantes, mais en tout cas c'est tout à fait, selon moi, après je laisserai mes collègues juges, c'est tout à fait honorable. Et en fait ça a fait un parallèle avec une observation que j'ai. plus globalement dans la sphère du jeu, que ce soit jeu vidéo, jeu de rôle ou jeu de société, c'est qu'en fait, peut-être que les joueurs et les joueuses ont besoin de se rassembler physiquement, de se voir, de se toucher peut-être, et de jouer, de discuter, ou ne serait-ce que de se rencontrer, échanger un verre. Et je vais partir d'une expérience très, très personnelle, c'est que pour ma part, donc depuis 3 ans maintenant, j'ai l'occasion d'animer ou de co-animer des cafés-débats autour du jeu vidéo. Et mine de rien, en 3 ans, on a fait peut-être entre 30 et 40 sessions. Et à chaque fois, on a une douzaine de participants. C'est allé jusqu'à 30 parfois, 35 je crois que le maximum. Et voilà, et c'était assez hallucinant de voir des gens qui reviennent 3 ans d'affilée avec une proposition qui est simple. C'est juste un café débat où on boit de la bière et on discute, quoi. Et je suis toujours assez impressionné de voir ce besoin que les gens ont à se rencontrer. Et c'est quelque chose qu'on retrouve donc dans le Stunfest, dans les cafés débats, mais aussi à la Queervention, au centre LGBT à Rennes pour le coup, où là on a vu aussi des gens qui parfois étaient très loin des problématiques donc LGBT et plus. Et pourtant, les personnes répondaient présent parce que tout simplement, faut jouer, quoi. Enfin, c'est jouer ensemble, se voir, se rencontrer. Et donc là, pour l'instant, j'ai parlé un peu de la partie événementielle, la partie festival ou un peu convention. Mais ça fait, on voit aussi que ça a un écho dans les pratiques et même, je vais sortir un grand mot, dans le business en fait du jeu, parce qu'on voit notamment un succès assez fulgurant qu'on pressentait, en tout cas pour ma part très légèrement, et Emmanuel plus que moi, c'est le succès des escape games. Donc vous savez, c'est jeux où en fait il s'agit de, on vous enferme dans une pièce, il y a tout un tas de puzzles qu'on vous donne pour sortir. Et on voit que c'est un grand grand succès, en tout cas chez nous à Rennes et à Paris, on voit que ça cartonne complètement, que les salles sont remplies. Et même les bars à jeux, en tout cas, pour Rennes, on a un bar qui s'appelle L'Heure du Jeu, qui est tout le temps complet, c'est même très dur parfois d'avoir de la place. Et là, ils ont même étendu leur surface avec un principe qui s'appelle le quart de jeu, le quart d'heure de jeu, qui en tout cas est un concept où voilà, on fait une sorte de jeu en un quart d'heure. Et c'est en tout cas, ma foi, fort drôle à faire. Et d'ailleurs, je remercie Xavier, le patron, de nous avoir fait tester ça. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose de banal? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne retrouvez pas? Je vous pose la question à vous, mes chers camarades. Fanny? Ouais. Je vais commencer par juste par un complément. Il y a L'Heure du Jeu à Rennes, mais il y a aussi d'autres bars à jeux, mais pas forcément bars à jeux de société. Là, j'ai en tête le Warzone ou le Sims 42 qui sont là plus jeux vidéo. Il y a aussi un bar d'e-sport dont j'ai le Meltdown de mémoire. Voilà, donc on en a quand même quelques-uns. Je suis désolée s'il y en a d'autres et que je les ai oubliés. Et un autre point, parce que tu évoques le Café Débat, et là c'est juste pour l'anecdote, c'est l'occasion aussi pour moi aussi de te remercier, Adrien, parce que c'est parce que tu m'as invité au Café Débat que j'ai fini par être ici à causer jeu avec vous à Ludologie. Et je sais que Célène, c'est aussi comme ça que ça s'est créé. Et donc, les cafés débats, ça permet à des joueurs de se rassembler, mais aussi à des équipes de podcasteurs de se trouver. Donc, c'est cool. Dans les cafés débats, c'est vraiment une bouffée de bienveillance, de gens adorables qui échangent sur des passions, qui ne sont pas toujours d'accord, qui se prennent la tête sur les sujets, mais toujours avec bonne humeur, ce qui est très cool. Sur ce sujet-là, en fait, moi, je voulais partager une anecdote d'enfance où j'ai eu la chance d'avoir des consoles assez jeunes. De beaucoup, beaucoup jouer à la console, donc je passais du temps toute seule derrière mes consoles, mais mes mercredis et mes samedis étaient dédiés à je mets ma console de jeu dans mon sac à dos et je vais chez les copains. Ou les copains viennent chez moi, ça dépend. Donc moi j'avais ma Nintendo 64, j'avais eu ma Super NES, mais j'étais trop petite pour la balader celle-là. Quand j'étais assez grande pour sortir toute seule, j'avais ma N64. J'ai eu la PlayStation, mais celle-ci j'avais plus de mal à la sortir, parce que voilà, c'était un disque et tout, vous allez la casser. Ma N64 s'est pris des pocs de malade, je l'ai vraiment trimballé. J'avais un copain en fait qui avait sa Mega Drive à lui. Et c'est vrai qu'on passait des après-midi à se regarder jouer, juste pour jouer ensemble en fait. On était une bande de 3-4 copains et c'était notre activité favorite. Ou alors on allait traîner dans le magasin de jeux vidéo qui était dans notre petite ville. Et voilà, c'était le but de tester des jeux et juste regarder des gens tester au jeu. Et donc en fait, je pense que le jeu, c'est aussi une pratique qui est fondamentalement sociale. Donc on se cherche soi-même parce qu'on peut avoir des expériences de jeu intimes et tout ce qu'on veut. Mais il y a une dimension de partage qui est quand même très importante, à mon sens. En tout cas, tel que moi, je pratique le jeu, j'adore jouer, mais j'adore regarder des gens jouer sur des jeux en solo, par exemple. C'est passionnant. Je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose. Mais... Moi, je partage assez cette réflexion que le jeu, c'est une pratique sociale. De façon générale, je crois que l'être humain est un animal assez social. Par conséquent, c'est assez logique que les pratiques de loisirs incitent au regroupement. C'est dans une certaine mesure, c'est presque le fait que le jeu puisse se pratiquer sur des volumes d'heures importants en solo qui est une anomalie. La plupart des pratiques, qu'elles soient sportives, culturelles, se pratiquent beaucoup, beaucoup en groupe. Même le cinéma, qui ne nécessite en aucun cas l'interaction avec un autre être humain, se pratique notamment chez les adolescents, très souvent en groupe. Il y a vraiment cette idée de on partage une expérience, et puis c'est aussi un support de discussion, c'est un support d'échange, c'est ce qui crée du lien entre les individus. Et dans le jeu, il y a cette notion-là, parce que Adrien, tu parlais des regroupements physiques, mais où je pense qu'on peut étendre à l'essor très très fort depuis quelques années de Twitch, par exemple, qui est du même ordre, c'est-à-dire une personne qui joue et puis une communauté qui se regroupe autour, derrière, pour discuter, pour échanger, pour participer à l'expérience. Et c'est vrai qu'on a eu des regards un peu condescendants de certaines personnes à certaines époques, disant « ça rime à rien de regarder quelqu'un jouer ». En fait, si, ça rime à quelque chose, ça rime au fait d'être ensemble, comme ça rime... c'est le même principe qui joue quand effectivement tu vas voir des gens jouer dans des magasins, ou quand tu regardes un type jouer dans une salle d'arcade en étant à côté de la borne, ou plus simplement, et moi c'est des pratiques que j'ai pu avoir assez jeune, quand tu vas chez un copain qui a une console et que tu vas jouer avec lui à la console, et pas nécessairement sur des jeux où les deux joueurs jouent simultanément, c'est-à-dire qu'il y en a un qui regarde, l'autre qui joue, on discute en même temps, et puis des fois on joue ensemble, des fois on joue en coopérative, des fois on joue les uns contre les autres. Et ces questions-là, éventuellement, peut-être elles se posent en jeu vidéo, mais inutile de dire qu'en jeu de société ou en jeu de rôle, le principe du regroupement, enfin jeu de société, c'est le nom le dit, quoi. Presque avant tout un jeu social, un moment de retrouvailles, un moment où on est avec d'autres individus. Et même si on peut arriver en poussant le gamisme, on va dire, à des jeux où les gens ne communiquent pas entre eux pendant la partie et sont un peu coupés les uns des autres, il y a quand même cette notion de partage. Et puis après, effectivement, on se regroupe pour en parler. Et les cafés débats et le Stunfest sont de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on se regroupe pour parler d'une pratique culturelle qu'on a en commun et voir... ce qui nous plaît nous, ce qui plaît aux autres, comment il peut y avoir des hiatus là-dedans, comment on peut trouver des nouvelles approches d'un support ludique dans lequel on s'épanouit. Pour moi, ça tombe sous le sens, en fait. Dans la mesure où c'est un objet culturel et social, ça tombe sous le sens que ça appelle le regroupement des individus. C'est juste pour rebondir sur la critique, effectivement, que j'ai aussi entendu, ça rime à rien de voir des gens jouer. Bon, y a le théâtre, hein. Juste... Non, je voulais apporter une précision. C'est que là, moi, je me cantonnais en fait à l'aspect physique. Je voulais un peu écarter le côté numérique parce qu'effectivement, tu l'as cité. Twitch et le streaming, enfin le stream de parties de jeu, et qui est un phénomène en pleine expansion, ce serait assez intéressant peut-être de faire un podcast là-dessus. Mais moi, je m'intéressais à physique, pourquoi des gens se retrouvent physiquement alors que justement on a le numérique pour se retrouver. Et c'est vrai que par exemple, dans le jeu de rôle, on voit que la pratique numérique du jeu de rôle, c'est-à-dire à distance, on se fait un Skype, on discute, on lance des dés avec les outils Google, je crois. Et oui, même Google est dans le lancement de dés, c'est dire. Je trouve rassurant de voir des gens se retrouver physiquement pour jouer ou parler de jeu. Je pense qu'il y a aussi une composante historique. Pas uniquement, hein, et on a eu un virage relativement récemment, mais il y a quand même eu une pratique des années, alors moi je les date des années 90-2000, mais c'est de par mon histoire aussi, parce que je n'ai pas vécu avant, mais tout simplement, je pense qu'il y a eu une époque où les gamers se sont sentis marginalisés. Il y a eu une époque où le fait de jouer aux jeux vidéo, on avait l'impression d'être des satanistes qui crucifiaient des poulets, enfin voilà. Et de ne pas avoir de gens à qui en parler, il y a eu une certaine impression, j'en ai l'impression du moins, d'isolement social dans la pratique du jeu, que ce soit le jeu de rôle ou le jeu vidéo d'ailleurs, c'est aussi valable dans le jeu de rôle, et qui faisait que se rassembler lors de conventions, les conventions avaient ce sens-là de rassemblement quelque part, d'avoir des gens à qui parler, et c'est là où je vais entrer en désaccord avec toi par rapport au fait de différencier de façon stricte les rassemblements physiques et les rassemblements virtuels, c'est que les rassemblements virtuels avaient exactement cette fonction-là que de réunir des gens autour d'une passion commune quand dans ton bled de 2000 habitants dans le sud de la France, eh ben, y avait personne qui jouait et que tu avais besoin pourtant de partager ta passion avec des gens, de discuter avec des gens. Donc se connecter sur Internet, même en 56K, même en 1998, bah, ça avait déjà l'intérêt de pouvoir partager ces moments de vie que tu passais pourtant en solitaire pendant des heures chez toi avec des gens et de leur donner enfin un sens social. Et je pense que là, on recoupe avec quelque chose qu'a dit Manuel, c'est qu'une activité, parce que Manuel parle du fait que le jeu est avant tout une activité sociale et que ce serait une anomalie de jouer seul, mais le fait de jouer seul est en ce sens-là une nécessité qu'on recoupe avec d'autres ensuite dans des événements communautaires, qu'il soit en physique ou de façon virtuelle. Et quelque part, on l'a bien vu aussi lorsqu'on a organisé le café débat qui se passait au centre LGBT, c'est que au centre LGBT, les gens qui viennent au centre LGBT, ils ont l'habitude de s'y voir, ils ont l'habitude de socialiser au centre LGBT, et ils sont venus à ce café débat parce que c'était important de pouvoir se retrouver autour du jeu et de discuter de jeu, de discuter d'autres choses. Je pense qu'il y a cette dimension communautaire qui est historiquement très importante du fait de cette au moins impression de marginalisation. Et on l'a vu dans des documentaires d'ailleurs qui sont sortis. Il y avait Suck My Geek par exemple, qui était un documentaire sur le sujet, qui donnait vraiment l'impression d'une communauté unifiée autour des loisirs geeks, quelque part, que ce soit manga, jeu de rôle, etc. Sachant qu'il est extrêmement discutable de considérer qu'il y a réellement une communauté autour de ces loisirs. Mais il y avait cette impression, en tout cas, de fédération, presque de douleur autour d'une marginalisation. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'évolution même du sobriquet de geek qui est devenu même positif, c'est vrai que dans les années 90-2000, c'était particulièrement mal vu d'être concentré autour des jeux. Aujourd'hui, il y a quand même, je pense, une évolution autour de ces concepts-là. Et le rassemblement, j'ai l'impression, en tout cas, vous pourrez me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, mais qu'on a une quête de socialisation qui n'est plus la même. Le but, ce n'est pas de pouvoir juste discuter de jeu, c'est de pouvoir développer une pratique alternative du jeu ou de pouvoir aller plus loin dans une approche culturelle autour du jeu. Je perds le fil de ce sur quoi je voulais rebondir, mais en fait je suis assez d'accord par certains aspects, mais d'un autre côté la partie communautaire peut aussi effrayer, et je pense notamment par la partie en ligne, là je le dis aussi par rapport à mon expérience propre où j'ai toujours eu beaucoup de mal à connecter moi sur les forums, sur même encore maintenant je peux pas piffrer converser par Facebook et compagnie. Parce que j'ai besoin du contact physique, j'ai besoin de croiser le regard des gens, c'est comme ça que j'aime bien sociabiliser. Et du coup, j'avais toujours cette impression que tout le monde se connaissait, que tout le monde partageait une culture commune auquel je ne connaissais rien, ce qui fait que je suis passée à côté de plein de trucs, et je me dis si des choses comme les cafés débats avaient existé sur le jeu, mais je m'y serais ruée parce que j'aurais pu rencontrer des gens, et c'est ce qui me manquait le plus. Du coup, je pense qu'effectivement le côté rencontre physique a quand même une dimension autre que la pure regroupement de communautés en ligne de joueurs. Voilà, c'est pour ça. Je pense qu'il y a eu en fait il y a un truc que je voulais mentionner et que j'ai zappé dans mon développement, c'est que je pense que dans cette narration de communautés presque discriminées du jeu en général et du jeu vidéo ou du jeu de rôle en particulier, il y a eu une réécriture masculiniste de ce genre de communauté où on a eu tendance à ne mettre en avant qu'un modèle de joueur et au masculin et dans ce biais de représentation, il y a eu une tendance, et je pense que c'est ce que tu identifies dans le online. En fait, il n'y a pas là la sécurité émotionnelle aussi de rassurer sur notre légitimité à être présente dans ces milieux-là. Moi aussi, je vais faire de l'anecdote personnelle. Depuis un an, en fait, ça fait plus longtemps. Depuis quelques années, je participe dans le cadre de ma pratique de jeu de rôle à des espèces de mini-conventions privées organisées par des gens pour, on va dire, 10 à 30 personnes entre un week-end et 5 jours où on retrouve des gens pour jouer. Ça a une fonction prétexte, on va dire, qui est que on va pouvoir tester des jeux qu'on n'aurait pas l'occasion de tester dans un cadre différent. Je pense que dans le fait de se regrouper, il y a un peu cette idée aussi d'avoir une opportunité de tester des jeux différents. Quand on va au Stunfest, on va profiter des bornes, on va profiter des différents stands, et puis on peut tout essayer. Là, c'est un peu du même ordre. Et puis il y a quelque chose de fondamental derrière qui justifie le regroupement physique aussi, ce qu'on appellera un peu grossièrement la convivialité. Quand on discute en ligne de jeux avec des gens, on reste sur le sujet, on parle de jeux et on continue à parler de jeux. Quand on retrouve des gens en direct, on parle de jeux et puis on va boire un coup, et après on parle de parcours pro. Et après, éventuellement, on va reboire un coup et on parle de politique ou du dernier film qu'on a vu ou de culture. Et on va manger un morceau et on parle de la famille et on crée de la relation interindividuelle en dehors du média. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a créé une première accroche à travers un support culturel commun avec quelqu'un, ensuite on accroche avec la personne et on apprend à connaître la personne et on crée des liens humains. Et c'est beaucoup plus compliqué à produire en ligne qu'en direct, notamment parce qu'il y a effectivement toute cette dimension non verbale qui est de passer du temps ensemble, d'avoir des activités ensemble qui créent un affect fort. Et ces trucs-là, je pense, sont nécessaires. À nouveau, je ne pense pas que ce soit propre au jeu. Réellement, par contre, je pense qu'il y aurait un abus à penser que c'est propre aux joueurs. Mais je crois que les collectionneurs de timbres s'organisent des conventions aussi pour se rencontrer, alors qu'ils pourraient juste comparer leur collection en ligne. Mais qu'à un moment, on a besoin de rencontrer des gens. Et c'est toujours tentant de rencontrer des gens avec qui on a une passion commune, parce que ça fait un premier sujet de discussion. On crée des liens humains, affectifs, amicaux et autres. Et je crois que c'est là où ça se noue, tout ça. Moi, j'ai participé aussi au Stunfest et puis à Addon en amont. J'ai vu des gens discuter, j'ai vu des gens qui se connaissaient pas, qui ont passé la semaine ensemble à discuter ensemble de plein de sujets, qui sont repartis amis. Et je crois que le regroupement, il a cette fonction-là de transformer une relation culturelle en relation humaine. Transformer des relations culturelles par des relations humaines. Je pense que c'est un très très beau mot de conclusion à ce petit chapitre de ce dernier podcast de la saison 4 de Ludologie. Passons au second chapitre. Parce qu'effectivement, en tout cas, je vous encourage à jouer virtuellement, physiquement, comme vous le voulez, comme vous le pouvez, surtout comme vous le souhaitez. C'est important que vous aimiez, que vous souhaitiez jouer. Je vois mes collègues qui ont les mains tendues pour faire un Shifumi et savoir qui va être le prochain ou la prochaine à dire son sujet. 1, 2, 3. Nous avons 3 feuilles. Égalité parfaite. C'est magnifique. Allez, les amis, un peu d'effort. 1, 2, 3. Ah, nous avons un caillou. Séléné est éliminé. Alors, nous avons un duo Fanny-Manuel. 1, 2, 3. Caillou, égalité, décidément. Nous avons des gens qui ont les mêmes goûts. On se connaît trop, en fait. Il va falloir peut-être qu'on prenne des vacances, qu'on arrête de se voir. Allez, 1, 2, 3. Ah, feuille, deuxième, égalité. Allez, la troisième, c'est la bonne. 1, 2, 3. Ah, voilà, la pierre et la feuille. C'est Manuel donc, qui va nous parler de la notion de... Alors déjà, rappelez la notion de care, peut-être, avant de commencer ta chronique. Ouais, ma chronique, c'est en gros les jeux du care, mais ce n'est pas un très bon nom. Voilà, pas le care en Égypte, même si on pourrait y trouver des liens. Mais care comme CRE, comme prendre soin d'eux, grosso modo. Prendre soin de soi et des autres. Le nom le plus juste, ce serait des jeux pour se faire confiance, se pardonner et s'aimer. C'est pas tout à fait le même programme, mais c'est un peu la même logique. L'été dernier, j'ai joué au prototype d'un jeu qui avait été produit dans le cadre du Game Chef, qui est un concours de création de jeux. Le jeu s'appelait « Trois étés à Bonneville ». C'est du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle sans meneur, précisément. Ça a sa petite incidence. Pour faire court, au-delà de la thématique, le principe mécanique principal, c'est que les personnages de l'histoire vont se retrouver dans des situations difficiles et ils vont être sauvés. La petite spécificité du jeu, parce que ça arrive dans plein de jeux, la petite spécificité, c'est qu'en tant que joueur, on ne peut pas se sauver soi-même, on ne peut que sauver les autres. Et comme il n'y a pas de meneur, en fait, c'est à chaque joueur de mettre son personnage dans des situations périlleuses pour que les autres puissent venir le sauver. Les sauvetages sont nécessaires pour faire avancer l'histoire. Les amis avec qui j'ai joué m'ont sauvé un nombre incalculable de fois. Je les ai moi-même tirés de situations critiques et de ça a émergé une très très grande confiance et une très très grande bienveillance. Quelqu'un m'a dit il y a quelques mois, tout le monde a le désir d'aimer et d'être aimé. Pour préparer cette chronique, j'ai regardé plusieurs vidéos d'une développeuse qui s'appelle Bricode. Bric, ça s'écrit comme le bric, et code comme le code, ça c'est simple. Qui a monté un studio qui s'appelle True Love Media. Elle fait des jeux pour les gens qui n'aiment pas les jeux. Elle trouve que pour beaucoup de gens, les jeux vidéo, parce qu'elle fait du jeu vidéo, elles sont ennuyeux. Et après avoir fait un peu de recherche... elle en est arrivée à la conclusion que c'est parce que la plupart du temps, les jeux travaillent des mécaniques liées à une réponse au stress spécifique qu'on appelle fight or flight, qui est très très liée à deux hormones présentes chez l'humain, mais en particulier chez les hommes, qui sont l'adrénaline et la dopamine. Et que si on a quasiment que des jeux comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie du jeu, viennent des gens qui aiment déjà jouer, donc qui aiment déjà les mécaniques qui sont produites et qui vont reproduire les mêmes mécaniques et qui ne vont s'adresser du coup qu'à des gens qui vont les aimer et ainsi de suite, et ça s'auto-entretient. On a découvert assez tardivement, pour des raisons de biais de genre notamment, qu'il existait d'autres types de réponses au stress que fight or flight. Fight or flight, en gros, c'est face à une situation stressante, soit on rentre dans le lard, soit on part en courant. Et il existe un autre type de réponse au stress qui est plutôt basé sur d'autres hormones humaines, en l'occurrence l'ocytocine et les opioïdes, qu'on appelle tend and befriend. Alors, elle est plus présente chez les populations féminines, mais elle est aussi présente chez un certain nombre d'hommes. Globalement, ça consiste à prendre soin des plus faibles et créer des alliances. Elle veut faire des jeux qui travaillent ces mécaniques-là, à savoir des... Pardon, je vous fais des bruits dans le câble. Travailler des jeux qui... Enfin, produire des jeux qui travaillent ces mécaniques-là, à savoir des mécaniques qui ne vont pas être des mécaniques d'affrontement, mais effectivement des mécaniques de soins, qui ne vont pas être des mécaniques de mise sous stress, mais au contraire, des mécaniques qui visent à la relaxation du joueur des jeux qui créent du lien affectif. Ça va à l'encontre de ce qu'on peut trouver notamment en jeux de rôle ou dans les AAA, qui sont quand même des jeux qui valorisent beaucoup l'affrontement. C'est des choses qu'on retrouve plus en jeux de société ou dans le jeu de rôle indépendant. Et quand on regarde les cohortes, les populations de joueurs et de joueuses qui pratiquent ces différentes typologies de jeux, on voit bien qu'il y a des correspondances en termes de représentation de genre notamment. Et je crois qu'il y a des choses qui se travaillent là-dessus. Alors, il ne s'agit pas simplement de faire des jeux coopératifs, parce que ce serait la réponse facile. On va faire des jeux coop, du coup, on travaille ensemble et on est content et c'est super. Mais en fait, dans les jeux coopératifs eux-mêmes, il y a des enjeux de compétition, en tout cas de prise de pouvoir de joueurs, et on est là pour résoudre des problèmes techniques. Mais on n'est pas là pour s'assurer que... on n'est pas là pour s'assurer que tout le monde a pu pleinement profiter de l'expérience. Il y a rarement des mécaniques de jeu qui consistent à réussir le jeu parce que les autres personnes ont bien vécu la partie et que ce soit un objectif de réussite de partie. Il n'y a pas beaucoup de mécaniques de création de confiance, notamment effectivement ce que je citais sur 3 états à Bonneville. Et moi, c'est des choses qui m'intéressent aujourd'hui dans mon travail de game design, de mécanique où on va être incité à prendre soin des autres joueurs avec lesquels on joue. Et ça va être les vrais points forts de nos capacités d'avatar, on va dire. Et je crois qu'il y a des choses à travailler là-dessus. Il existe des choses, je crois avoir déjà cité dans le podcast, en tout cas j'en ai déjà parlé de nombreuses fois à mes proches. J'ai parlé souvent du jeu Oxenfree que moi j'ai découvert l'année dernière. Il y a pas mal de choses qui se sont cumulées sur un an en termes de réflexion. Et Oxenfree travaille exclusivement sur la construction de dialogue. Alors il y a du mystère, il y a 2-3 moments où il y a du challenge, mais la plupart du temps il n'y a pas vraiment d'enjeu de temps il s'agit juste d'avoir des discussions et des échanges et d'essayer de réparer des relations parfois un peu compliquées avec les proches du personnage principal. Et je crois vraiment qu'il y a des choses à construire là-dedans, parce que ça produit pas les mêmes sentiments, et en plus ça peut permettre de s'adresser à une population de joueurs qui a priori ne s'intéressent pas aux jeux, notamment aux jeux à base d'affrontements, même quand c'est des affrontements en coopératif. On peut produire des jeux qui ont un discours différent et qui travaillent vraiment ces notions de se faire confiance, se pardonner, s'aimer. Et si on peut inciter les joueurs autour d'une table à développer cette relation-là avec les gens avec lesquels ils jouent, pour moi, on a une bonne base sociétale. En tout cas, on a quelque chose qui peut s'étendre et avancer. On peut travailler autre chose que de la défiance et de la compétition et de la surenchère, quoi. Voilà, je ne sais pas quelle réflexion vous avez là-dessus. Je vois qu'Adrien est au taquet. Non, je peux évoquer effectivement moi, un des jeux, je pense, qui m'a frappé en cette saison. En fait, étrangement, en fait, pour cette saison-là, j'ai beaucoup joué à des jeux en ligne, en fait, des jeux vidéo en ligne. Overwatch et donc PlayerUnknown's Battleground, pour ne pas les citer. Et en fait, c'était très intéressant de voir justement comment ces jeux qui se qualifient comme compétitifs incitent à la coopération et au care, justement, parce que tu as besoin de veiller sur l'autre pour pouvoir avancer et réussir les objectifs. Et en fait, tes adversaires ne sont que des bots très intelligents, en fait. Tes adversaires, c'est ce qui te permet, toi, d'accomplir tel ou tel fait et du coup de progresser. Et effectivement, c'était assez intéressant de voir comment, en fait, je ne sais pas si c'est les gens qui pervertissent le jeu ou si c'est le jeu qui pervertissent les gens, mais à quel point, effectivement, la notion de care était absente, malheureusement, de ces jeux-là. Et notamment, en fait, peut-être parce que, et c'est pour ça que mon passage sur la rencontre physique n'est pas totalement anodin. Parce que, en fait, j'ai remarqué que je ne jouais jamais aussi bien à des jeux coopératifs que quand je connaissais vraiment les personnes. Il y avait une confiance mutuelle. Et sur les jeux en ligne, c'est un peu comme des plans Tinder. Je n'aime pas trop le parallèle, mais c'est des rencontres parfois fugaces. Mais en tout cas, des personnes avec qui on ne jouera plus le lendemain et qu'on oubliera aussitôt. Et du coup, voilà, on est là juste pour un objectif et on oublie qu'on est là pour l'objectif de performance. Et en fait, on oublie de passer un bon moment. C'est pour ça que le parallèle avec Tinder est assez rigolo. Mais donc, ouais, ce que tu racontes, effectivement, est tout à fait pertinent. Et si j'étais game designer, ce serait clairement un truc que je travaillerais maintenant. Alors, qui. Je voulais déjà remercier Manuel parce que j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant et ça laisse à méditer. Le biais de genre est aussi très très éclairant. Alors je pense qu'il serait aussi à nuancer ou à compléter par un biais éducationnel, par quelque chose, parce que je pense que la réponse hormonale est une réalité. Mais qu'il y a aussi quelque chose de très éducationnel sur l'aspect compétition contre coopération. Et je comprends nos hermétismes à certaines formes de jeux, comme tu l'as cité, PUBG. Moi, je ne comprends pas. Je respecte, hein, mais j'ai tendance à ne pas comprendre du tout l'enjeu et la façon de tirer du plaisir de quelque chose d'aussi... Alors, c'est une impression à froid et j'ai tendance à trouver beaucoup de cruauté et de froideur. Mais dans ce que tu dis, quelque part, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement rassurant. C'est-à-dire que d'un jeu qui est intrinsèquement fait pour être cruel et chacun pour soi, finalement, il y a des mécanismes émergents de care qui viennent apparaître. Alors, comme l'a dit Manuel, ça ne fait pas partie intrinsèquement des mécaniques de jeu et ce n'est pas le principe du jeu que de faire du care et ça reste sur un fond très compétitif finalement et sur une réponse combat-fuite. Néanmoins, je trouve ça hyper intéressant de voir qu'émergent d'autres narrations à base de bah, quand même, on est en compétition, mais on va faire des groupes pour s'entraider et pour prendre soin les uns des autres et qui entrent aussi en contradiction avec tout ce mythe du quand il y a l'apocalypse, on se tape tous dessus et il y a des hordes de pillards qui viennent défoncer les gens, alors qu'en vrai, dans les vrais épisodes d'inondations globales, de catastrophes naturelles, les gens s'entraident et parce que c'est logique en fait, parce que ensemble on va mieux lutter contre les éléments, les événements et faire en sorte que plus de monde possible s'en sorte. Donc moi je trouve ça hyper intéressant de voir se développer ça. Alors là, je vais juste rebondir sur ton dernier commentaire où, effectivement, dans ces trucs catastrophes, tu as des hordes qui se regroupent pour piller et compagnie, mais elles se retrouvent dans la logique que tu exposes qui est de se retrouver et s'entraider avec des moyens qui sont les leurs, mais qui sont pour la survie du groupe qu'ils ont réussi à constituer. Donc, même là, en fait, tu prends Walking Dead ou voilà, ce genre de... Les groupes qu'on rencontre, qui n'ont pas forcément des pratiques sociales que je validerais, les ont pour se protéger et pour être dans le care au sein de leur communauté. Donc c'est une logique qu'on peut avoir en fait. Au-delà de ça, je suis quand même convaincue que dans des séries comme Walking Dead, il y a une exagération du comportement antisocial. Oui, bah, il y a une exagération pour beaucoup de choses, mais oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je voulais aussi rebondir sur la partie mécanique. En fait, pour les mécaniques de jeu, là, j'avais en tête en fait un GDR auquel je joue régulièrement, qui est les Mousquetaires de l'ombre. Donc, Men in Black qui rencontre D'Artagnan. En gros, c'est assez cool. Non, pas D'Artagnan parce que ça serait anachronique parce qu'on est sous Mazarin. Désolé. Et en fait, alors ça vient aussi de mon maître de jeu, en fait, qui a emprunter d'autres mécaniques de jeu à d'autres jeux parce que ça ne correspondait pas à ce qu'il souhaitait faire. Mais oui, là, instaurer une règle qu'on retrouve dans d'autres GDR où on est sur des modes de combat, où quand tu ne sais pas quoi faire en plein combat, tu peux tout simplement aider quelqu'un. Donc maintenant, on a vraiment pris l'habitude, on n'est plus que complètement sur du GDR. En fait, on a des petites figurines, en fait, on place nos figurines pour dire on est en combat. Alors, il y a machin, il y a truc et tout, il y a le monstre, il est là. Et en fait, c'est tellement favorisé, en fait, tu vas donner en fait un bonus de jeu à la personne que tu vas chercher à aider, qu'on a pris l'habitude, nous, en tant que mousquetaires, c'est dans notre pratique, c'est normal. L'un de nos réflexes, c'est bon, si je suis le premier, je suis en ligne de mire, je vais agir en premier, mais on a fini par adopter une mécanique qui est, on joue tous ensemble et on essaye de se protéger les uns les autres, parce que le but, c'est pas du tout qu'on ait un des joueurs qui soit buté dans la partie, c'est qu'on continue en fait, et on veut vraiment réussir tous ensemble et tous en un seul morceau, ce qui n'a pas toujours été évident. Et du coup, c'est vrai que à partir de mécaniques qui n'étaient pas forcément prévues pour, on a réussi à détourner ça de manière à instaurer du care, justement, de prendre soin. Donc, on est dans la partie se faire confiance aux autres. C'est vrai qu'on n'est pas non plus dans la partie que tu abordais, que je trouve belle et que j'ai cherché, en fait. Moi, j'ai complètement séché quand tu as voulu donner le micro, parce que je ne trouvais pas d'exemple qui est dans se pardonner et s'aimer. Et ça, c'est une dimension, par contre, qui, là, m'apparaît beaucoup plus innovante. Il y a des jeux qui vont jouer sur l'atmosphère, sur la douceur. Ça m'évoquait beaucoup Ori and the Blind Forest, ce que tu as dit, parce que moi, j'y ai joué parce que c'était beau. C'était beau, en fait, juste, et ça faisait du bien, et je rentrais du boulot, j'étais fatiguée, et j'allumais le jeu, et j'étais, ah, mais voilà, il y a des jolies couleurs, c'est mignon, c'est triste parfois, mais voilà. Mais ça reste un platformer, et les mécaniques sont tout le temps les mêmes, et tout ça, et si on enlève l'esthétique, il n'y a plus grand-chose. Et du coup, ça me donne envie aussi d'essayer d'explorer ces jeux-là, où je me rends compte que j'ai peut-être pas eu l'occasion vraiment de pratiquer pour se pardonner et s'aimer. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a assez peu de jeux dans le domaine, vraiment très très peu. Pour reprendre le pan que je donnais sur les jeux coopératifs, parce que je pense que c'est peut-être là où on a le plus de chances de trouver ce genre de choses. Dans le jeu compétitif, c'est un peu compliqué. Et pour reprendre un épisode lointain de Ludologie, mais vous irez le réécouter, comme ça vous donnera l'occasion, un épisode qu'on avait enregistré avec Thomas Munier sur les différentes catégorisations de jeux et d'instants de jeu, on va dire, où il plaçait les enjeux esthétiques, tactiques et moraux. Aujourd'hui, les jeux coopératifs sont très tactiques. Et je crois vraiment qu'il y a des choses à créer sur du jeu coopératif moral qui donne à effectivement prendre conscience de l'autre, prendre conscience de l'importance de l'autre, prendre conscience de l'importance du lien et de comment on peut tirer une richesse de ça. De la même façon, dans les jeux moraux, ce que j'ai pu observer moi dans ma pratique, donc elle est limitée, mais j'ai pas d'autres exemples, c'est qu'on est aussi dans des structures assez dystopiques. Je vais prendre des exemples en jeu vidéo, ça parlera assez largement, mais que je prenne un Beholder, un Scissor of Mine ou un Paper Please, on est dans des jeux moraux qui vont nous placer dans des situations extrêmement violentes. Et je pense que, alors j'imagine que ça doit peut-être plus exister dans la visual novel, mais je pense qu'on peut créer du jeu moral où on est en mesure de produire du bien-être. Et pas seulement d'essayer de limiter un tout petit peu le mal-être ou de savoir à quel point on veut être l'agent d'un dispositif nuisible. Donc je crois vraiment qu'il y a des choses à créer là-dedans. Après, à nouveau, mon échantillon est trop limité. Il existe forcément des jeux dans le domaine. Le fait est que si on a du mal à les citer, c'est qu'ils ne sont pas si connus et qu'ils ne sont pas si nombreux, mais qu'il y a des choses, il y a des choses à produire de ce point de vue-là. Qui vont être de l'ordre effectivement de la coopération esthétique ou de la coopération morale, mais en tout cas qui vont sortir de la pure tactique, ce qui est quand même pour l'instant l'apanage des jeux coop, quoi. Je vais passer la main à Adrien, et puis après il y a des gens dessus, je crois. Non, Céline, Adrien. Oui, non, juste effectivement, j'ai pas explicité la partie aimée. Et je pense qu'il y a en tout cas il y a deux jeux selon moi, alors pour le coup c'est des jeux vidéo parce que je connais assez peu le jeu de rôle et le jeu de société, pour moi pousse à s'aimer en fait, sauf les plus compétitifs peut-être, mais en tout cas il y a deux jeux qui ont eu un succès critique et j'ai l'impression commercial, mais peut-être que je me trompe, c'est Normal Lost Fun et aussi Enterrement Mon Amour. qui sont donc deux jeux avec des thématiques assez fortes, qui pour le coup n'abordent pas, selon moi, des questions morales, mais des questions éthiques. Après, ça, c'est je pinaille, hein, mais pour moi, ça, c'est on est au-delà de ça. Enfin, je sais pas. Enfin, bref, ça dépend de sa définition de morale et éthique, mais je me perds. Mais en tout cas, pour moi, c'est deux jeux qui poussent à aimer l'autre pour ce qu'il est, même s'il nous ne ressemble pas forcément. Voilà. Là, j'avais une intervention qui était presque une interrogation que j'aurais auprès de Manuel par rapport à ce qu'il en penserait. Parce que ton propos par rapport au fait de ne pas avoir des jeux qui sont sur une réponse combat-fuite face à une opposition qu'on pourrait déterminer d'agressive, que ce soit l'environnement, que ce soit un adversaire ou une adversaire, enfin voilà, quelque chose de violent. J'ai l'impression que déplacer cet enjeu-là vers quelque chose de plus social, c'est quelque part ce que fait en jeu de rôle Monster Heart ou Dream Rescue. Est-ce qu'on peut dire que le travail de Avril Elder serait de faire ce qu'on pourrait appeler le visual novel du jeu de rôle? C'est une question ouverte. Alors, je pense qu'Avril Elder est dans ces questionnements-là sans nul doute. Moi, je n'ai pas joué à Monster Heart, j'ai lu la V1 uniquement. J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion... je ne sais pas dans quelle mesure les personnages et les joueurs prennent soin les uns des autres. On expérimente du mal-être et je ne sais pas... En tout cas, je n'ai pas vu de mécanique de jeu qui poussait les joueurs à prendre soin les uns des autres. Y compris par l'intermédiaire de leur personnage. Je voudrais juste, je profite que j'ai le micro pour revenir sur un truc que vous avez cité, le truc de zombie Walking Dead, merci, je ne suis pas une passion pour les zombies. Ma conviction profonde, c'est que l'industrie du divertissement nous propose des histoires où on met des individus sous tension et ça provoque des frictions, voire des affrontements entre eux. Et je trouve que c'est une approche un peu facile de la narration parce que c'est du drama assez simple à produire. Les gens manquent d'une ressource, du coup ils vont se mettre sur la tronche pour récupérer la ressource. Et effectivement, je crois que du peu d'observations que j'ai dans la réalité, les gens mis dans des situations difficiles vont plutôt s'entraider les uns les autres, essayer de répartir au mieux les ressources. Et je me demande dans quelle mesure, à force d'entendre des histoires qui nous racontent que dès qu'il n'y a plus assez de ressources, l'homme est un loup pour l'homme, c'est pas une expression très heureuse, mais admettons-la, je me demande si à force d'entendre ces histoires-là, on finit pas par y croire, et dans quelle mesure il n'y a pas une responsabilité de la part des gens qui produisent ces histoires de proposer une autre vision de l'humanité, et dans quelle mesure on n'est pas dans la prophétie autoréalisatrice de si on dit suffisamment aux gens que tout le monde est égoïste, ils vont finir par se méfier de leur prochain. Si on dit suffisamment aux gens que les gens autour d'eux vont les aider s'ils sont en difficulté, on ne produit pas de la confiance. Quand je parle d'apprendre à se pardonner, à s'aimer, c'est ça. C'est se pardonner, c'est accepter que l'autre a fait une erreur et que ce n'était pas contre nous et que c'était maladroit et qu'il essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais que ce n'est pas juste quelqu'un qui nous voulait du mal. Apprendre à s'aimer, c'est pas nécessairement tomber amoureux, mais en tout cas, c'est apprendre à se dire que l'autre personne, même si effectivement elle ne nous ressemble pas, a priori elle ne veut pas de mal, et si on crée du lien, même un lien ténu, elle nous voudra plutôt du bien. Je pense qu'il y a des choses de cet ordre-là. Voilà. Pour répondre très rapidement par rapport à Monster Heart, après je repasse le micro à Fanny qui va avoir besoin de développer sa partie. Par rapport à Monster Heart, donc pour avoir traduit la V2, je peux confirmer qu'il y a une évolution quand même. Non seulement il y a des moves qui sont spécifiquement faits, des actions donc qui sont spécifiquement faites pour prendre soin des autres, mais en plus la philosophie globale du jeu, pour l'avoir épluché en long, en large et en travers, ce qui se dégage vraiment du jeu, c'est que même dans l'adversité entre les personnages, il y a une forme d'amour communautaire qui se dégage. Il y a une forme de il s'est passé des dramas, il s'est passé de machin qui a trompé l'autre, etc. Et tous les dramas de teen movie que tu peux avoir, mais à la fin, finalement, Tous les personnages sont beaux et belles et c'est vraiment et d'ailleurs il y a des moves qui s'en détachent aussi, qui sont des actions de maturité que peuvent acquérir les personnages si on joue en campagne, en grandissant, en gagnant en maturité, et qui sont des actions intrinsèquement positives pour la communauté. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va intrinsèquement dans ce sens là Du coup, on va pas faire Shifumi parce que hors micro, voilà, on a convenu avec Célène. Je sais pas ce que ça indique en fait, comme quoi, autant qu'il y a des mecs dans la place, on joue pour prendre la parole, et puis qu'on est deux filles, on s'arrange et on... Mais bon, c'est juste pour rebondir sur ce qu'on disait. Mais c'est juste parce que mon sujet colle bien ensuite à celui de Manu. Moi, en fait, j'ai peiné à trouver un sujet parce que je croyais qu'on avait parlé de plein de trucs super cool à Ludologie cette saison et que tous ceux dont j'avais envie de parler avaient été dit. Et en cherchant, je me suis rendu compte que non. Il y avait un aspect. Il y a eu un épisode sur le visual novel il n'y a pas très longtemps qui a laissé de côté un aspect du visual novel, moi, que j'aime beaucoup, qui est le Dating Sims. Je n'ai pas joué à beaucoup, mais c'est un type de jeu qui m'intéresse, que je trouve vraiment, vraiment passionnant. Et là, du coup, voilà, on parle de team movie, de moralité dans le jeu, de care et tout. Et du coup, je trouvais que ça répondait bien. Donc, c'est un peu, je sais pas si c'est une chronique ou une tribune pour redorer un peu ce type de jeu qui est souvent considéré comme n'étant pas un jeu. C'est un truc pour adolescents, souvent pour adolescenteux, ce qui est encore moins bien. Alors qu'il y a des vraies qualités dans certains d'entre eux. Pardon. Il y a une dimension morale, il y a une dimension de pédagogie qu'on sous-estime en fait. Et du coup, c'est aussi une manière de présenter, c'est une façon de présenter ces jeux-là, la prise de parole que j'ai aujourd'hui. J'avais une pensée pour le jeu Amour Sucré qui est produit par Bmove, qui est un dating sims en ligne où on se connecte tous les jours pour avoir un certain nombre de points d'action et puis on se balade dans un lycée pour causer avec ses copains, avec ses copines, draguer des mecs et tout ça. Bon, c'est assez classique, mais derrière ce format classique, mais qui n'avait pas encore été fait en France à l'époque quand il est sorti sous cette forme-là, les éditeurs, en fait, là, les producteurs du jeu ont pris conscience qu'ils avaient un public adolescent. Ils ont pris conscience qu'ils avaient un public adolescent à dominante féminine, mais je connais et je sais qu'il y a beaucoup de garçons aussi qui ne le disent pas, qui ne parlent pas du fait qu'ils peuvent jouer Amour Sucré, mais qui ont pu ne serait-ce que tester par curiosité, voilà, pour voir de quel type de jeu il s'agissait. Et en fait, les créateurs et les créatrices ont vraiment pris conscience de ce public-là et ont aussi utilisé leur jeu pour véhiculer des discours que je trouve vraiment génial pour certains. Alors, tout n'est pas parfait. Moi, avec mon regard plus critique d'adulte et tout ça, il y a des choses où je me dis « Ouh, ça pique un peu », mais globalement, on a quand même des problématiques avec une lycéenne qui un jour découvre qu'un de ses copains se fait battre par son père, et puis sérieusement. Et il y a plusieurs épisodes où c'est les questionnements. Qu'est-ce que je fais? J'appelle les instances sociales, j'appelle la police, je fais quoi? Et je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que c'est des problématiques qui vont être celles des gamins et des gamines, en fait, lycéens, lycéennes. Et je suis désolée pour ceux qui nous écoutent, qui pourraient être lycéens et lycéennes, mais il y a quand même une dimension, on est encore dans le contexte de l'enfance avec des responsabilités moindres et où il faut pouvoir aussi avoir des exemples sur lesquels se raccrocher pour pouvoir trouver comment on agit. Et ces jeux-là ont vraiment cette dimension-là que je trouve vraiment intéressante. Je vais spoiler ceux qui n'ont pas fini Amour Sucré. Vous faites plus une minute parce que je vais spoiler le dernier épisode qui se passe au lycée, mais je l'ai pas fait en fait. Moi, j'ai arrêté assez tôt parce que c'est le principe de collecter des PA qui me posait problème et parce que j'oubliais de me connecter. Mais j'ai continué à suivre en fait les épisodes, la narration, parce que je trouvais ça super intéressant. Et le dernier épisode, en fait, comme souvent, il y a une relation amoureuse qui s'est créée, ça se termine sur la relation intime avec le personnage masculin favori de la sucrète, comme on appelle le personnage. Et ouais, on l'appelle la sucrète, c'est mignon, hein, parce que c'est amour sucré. Et en fait, ce que j'ai trouvé mais vraiment fantastique, c'est qu'on est dans le cadre d'une relation sexuelle entre des adolescents et où il y a plusieurs fois la question posée par le partenaire masculin de « Est-ce que tu es sûr de ce que c'est ce que tu veux ?» Et il insiste deux fois. Et on peut dire je ne sais plus ce que c'était, c'était oui ou ah, je ne suis pas sûre. Et la conversation se continue. Et même si au final, l'aboutissement reste le sexe, ce qui n'est pas forcément une bonne, pas une bonne consigne, parce que ce n'est pas le seul aboutissement de l'amour, le fait est que je trouve ça génial de mettre que le consentement explicite est la normalité dans le jeu. Et c'est des choses où, en fait, là, on est aussi sur la responsabilité des créateurs de véhiculer un discours qui est positif. Et là, je trouve que ce jeu-là est hyper réussi parce qu'ils ont pris conscience du public adolescent qu'ils pouvaient avoir et ont pris leur responsabilité à véhiculer un discours qui est moral et qui va leur donner aussi des armes pour affronter des choix quotidiens. Moi, le défaut principal que je lui trouve... c'est que la sucrète, donc le personnage qu'on joue, a une super relation avec ses parents. Jerry passe du temps à instaurer ça. Et il n'y a pas un seul moment où, quand elle a un problème, elle va voir ses parents ou elle va leur en parler. Ce que je trouve un peu absurde. Ça, c'est vraiment le gros point dommage parce que c'est quand même un truc, recréer de la relation de confiance de parent à enfant, ça peut être aussi un élément que le jeu peut créer. Mais ces jeux-là, ils ont aussi d'autres avantages, notamment... permettre de se légitimer en tant que joueuse. Et là, c'est vrai que je vais parler de la communauté féminine qu'on peut avoir derrière ces jeux. Et là, je parle d'un pendant, d'un autre jeu qui est fait par le même studio, qui s'appelle Eldaria, que j'apprécie moins personnellement, donc je ne vais pas m'étendre sur les mécaniques, mais qui a une communauté sur le forum qui est assez impressionnante. Et je ne suis pas sûre que les créateurs avaient conscience de ce qu'ils lançaient au moment où ils avaient mis en place le forum. Et ce que j'ai, que je vois de l'extérieur, parce que je ne participe pas en fait à ce forum-là, c'est le GDR qui se met en place. Il y a des jeux de rôle qui se mettent en place, essentiellement par des jeunes femmes, des hommes aussi, un petit peu, qui n'ont pas de pratique de GDR, ou très peu, qui, pour certains, témoignent du fait qu'ils ne se sentaient pas légitimes, qu'ils n'osaient pas, qu'ils avaient envie de tester, ça a l'air trop bien, mais je ne sais pas par quoi commencer, je ne suis qu'une fille, ou je ne connais personne, ou voilà, je suis timide, et ainsi de suite. Et ça a permis d'ouvrir la pratique de jeu. Alors, c'est du jeu en ligne, c'est parfois des campagnes courtes, des campagnes longues, et ainsi de suite. Mais je trouve ça assez chouette d'avoir un jeu qui, au premier abord, peut être vraiment méprisé par une très large partie de la communauté de joueurs, mais qui crée quelque chose de beau, en fait, qui soit par le discours moral qu'il peut y avoir derrière. C'est pas qu'une grosse niaiserie. Alors, ça peut être très niais, mais c'est cool quand c'est niais, quand même, faut être honnête. Hein. Tout le monde va critiquer, mais il y a beaucoup de gens qui fondent devant des trucs niais. Soyons honnêtes et assumons le plaisir coupable de la niaiserie. Et ça ouvre aussi des portes à des gens qui ne se sentent pas joueurs et qui ne se sentent pas joueuses surtout. Et mine de rien, je connais encore beaucoup de personnes qui jouent à ces jeux-là et qui adorent ces jeux-là et qui disent « Ah mais non, mais moi je suis pas une joueuse. Ah c'est un jeu vidéo et puis tu fais du GDR à côté. Ah non, mais je ne suis pas une joueuse. » Parce que ces personnes-là collent pas à l'image culturelle en fait. Et là, ça revient à notre premier sujet de ce qui a été créé dans la communauté joueur, de qu'est-ce qu'un joueur. Et je trouve ça chouette que ces jeux-là existent aussi pour ces raisons. Est-ce que vous voulez compléter, réagir ? Non, enfin moi je peux témoigner donc par rapport à ce que j'ai pu observer parfois au café débat où on a de temps en temps des personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui disent bah non, moi je joue très peu en fait. Moi, j'ai aucune réflexion sur le jeu, etc. Et en fait, quand on creuse un peu, on remarque que ces personnes ont une expérience ludique qui peut être de la simple personne qui joue un petit Candy Crush à des gens qui ont une expérience. Alors peut-être pas maintenant, peut-être pas sur le moment de vie qu'on partage sur le moment, mais qui ont eu dans leur enfance, dans leur adolescence, ou qui ont des passades, voilà, à des moments on joue moins, à des moments on joue plus, etc. Et effectivement, pour en revenir, c'est que les game designers et game designers ont une responsabilité face à ces gens-là, quels qu'ils soient, peu importe leur pratique, leur genre, leur orientation d'amour, etc. Et c'est hyper important ce que tu dis effectivement sur la responsabilité et qui a été dit avec le CARE. Ce sont des choses qui méritent d'être citées. Et à ce titre, pour ma part, personnellement, je fais un petit message. Il n'y a pas longtemps, a été diffusé un podcast que j'ai pu faire avec Mehdi Debabizourghani dans le podcast qui s'appelle 10 Podcasts. Et je crois que l'émission, c'est Mind the Game. On a fait une émission, alors il y a longtemps maintenant, on a enregistré une émission autour de Hotline Miami. Et il est très clair que je n'aurais pas du tout le même discours sur Hotline Miami maintenant que lorsqu'on a enregistré ce podcast. Parce que, effectivement. On est sur une représentation de la violence qui, à l'heure où on a des gens, enfin, à l'heure où les attentats en France, que ce soit les attentats de janvier, Charlie Hebdo, Bataclan, etc., c'est clair qu'on n'a plus le même discours maintenant. Et je ne peux plus jouer à un jeu violent de la même manière qu'avant. Voilà, juste ce petit message. Très personnel, mais comme j'ai pas eu l'occasion de le faire, bah je le fais, j'en profite. Céline, tu voulais réagir? Oui, moi je trouve ça hyper intéressant de comme ça on parle de la niaiserie comme plaisir coupable, et en fait c'est intéressant et triste dans le sens où on pourrait se demander de quel biais de genre on parle quand on dit que le nier est coupable, quand on qualifie même le mot nier, est-ce que c'est pas en soi misogyne que de parler de niaiserie? Enfin, je pense que j'ai pas de vraie réponse en fait à donner, mais surtout des questions, parce que Il y a, et je pense qu'on rejoint profondément le sujet de Manuel avec ce genre de questionnement, parce qu'il y a une certaine tendance à considérer que le soin aux autres et l'affection vis-à-vis des autres et le fait de se préoccuper de tout ça et des mécaniques sociales, c'est des histoires de gonzesses, quoi. Et fondamentalement, je trouve un intérêt précieux à s'attacher, que ce soit aux mécaniques de jeu, comme le disait Manuel, mais aussi aux narrations qui sont un petit peu plus dans l'attention. Je crois que je l'avais mentionné lors de l'épisode qu'on avait fait sur le visual novel, mais particulièrement les jeux de Hanako Games, je les trouve hyper intéressants sur cette dimension-là des visual novels où profondément, en fait, on voit que le point de vue développé n'est pas un point de vue masculin, et où le point de vue développé n'est pas un point de vue d'adversité. Et les mécaniques de jeu sont vraiment très pauvres. C'est pas tant une question de mécanique, en fait, qu'une question d'histoire racontée et avec quel point de vue. Moi, je laissais mon esprit vagabonder. Je me demandais dans quelle mesure on n'aurait pas moyen d'emporter l'adhésion d'un public plus massif si on sait des dating sims basés sur l'univers de Diablo ou de Warcraft ou d'Assassin's Creed. Dans quelle mesure on pourrait pas réunir des publics tout en donnant du contexte et de la vie et de l'humanité à des personnages qu'on a vu évoluer en sautant de tours ou en parcourant des donjons. Et c'est vrai que l'appui sur des licences déjà existantes peut, je pense, j'imagine, être un support. Je suis pas loin de penser que ça peut être une ressource, parce que c'est pas des jeux qui demandent non plus le même investissement en termes d'équipe graphique, notamment que des gros jeux. Je suis pas loin de penser que ça pourrait être des sources de revenus pas inintéressantes pour des studios qui par ailleurs ont du hack and slash, ont du jeu type Dota, typiquement sur League of Legends, avoir des jeux déclinés qui proposent d'explorer de façon narrative les vies et l'intériorité des personnages peut être une approche. Alors c'est peut-être plus visual novel que dating sim pour le coup, mais je me demande dans quelle mesure, et pour le coup donner une légitimité aussi, enfin avoir des espèces de jeux passerelles comme ça entre le jeu de gamer et le jeu qui est perçu aujourd'hui comme quasiment un non-jeu, puisque même les gens qui y jouent se reconnaissent pas comme joueurs, quoi. Alors je vais juste rebondir sur ta distinction, là c'est à titre purement personnel, je fais très peu de différence entre Dating Sims et Visual Novel. Je sais qu'il peut y en avoir, il y a tout un épisode sur le sujet, je ne vais, vais pas le refaire. Mais globalement, le Visual Novel est en grande partie historiquement basé sur de la drague. Et dans la mécanique, de toute façon, les deux s'en rapprochent. Mais ouais, effectivement, j'étais en train d'imaginer ce que ça ferait un FF... Alors, j'allais dire FF7 parce que c'était mon préféré, mais un Final Fantasy où tu reprends les personnages version dating game. Et honnêtement, ça se trouve, ça a déjà été fait au Japon. C'est tout à fait possible. Vu que c'est un média là-bas qui n'est pas méprisant, non, qui n'est pas méprisé, pardon... C'est pas impossible qu'il l'ait déjà fait, mais effectivement, en termes d'outils marketing, ça peut carrément, ça pourrait être rigolo. Moi, j'aimerais bien avoir The Witcher version Dating Sims, peut-être avec un peu plus de moralité que Gérald quand même, parce que bon, Gérald dans Dating Sims, ça serait, je pourrais pas choisir, je pense, mais ça serait rigolo. Je viens de penser à un truc, c'est par rapport au dernier Stunfest, je vais recouper les trois sujets en même temps. Au dernier Stunfest, donc premier sujet, il y a un jeu qui prenait des mécaniques de Care et qui a un visual novel associé. Paf, je reboucle tout. C'était un jeu de Black Flag Studio, qui on a donné le grand prix du jury. C'est Orphan Age, qui en fait c'est un Sims-like. Le principe c'est vraiment de... on connaît le biais de genre autour des Sims d'ailleurs. Là, le principe, c'est de jouer des Sims qui sont pas des Sims comme les autres, étant donné que c'est des orphelins dans un univers dystopique, encore une fois, tiens, comme quoi on reboucle sur pas mal de choses qu'on a dites. Et ce qui était très intéressant à observer, c'est que non seulement il y a ce contexte-là qui est très émotionnel, hein, c'est très porté sur l'émotion de voir, on joue littéralement des gosses qui n'ont plus leurs parents et qui doivent survivre ensemble, en créant de la coopération entre eux. Donc là, c'est des mécaniques profondément de coopération émotionnelle aussi entre les gosses. Bah, c'est le même mécanisme que les Sims, en gros, hein, avec des jauges différentes, mais voilà. Et là, en ce moment, ils ont un financement participatif. Et avec le financement participatif, pour les gens qui mettent de l'argent, il y a offert un jeu qui est un visual novel fait par un studio ami. Et qui explore toutes ces mécaniques émotionnelles. On joue un gamin qui raconte son histoire, qui rencontre d'autres gamins, etc. Enfin, c'est hyper riche. Et moi, je trouve ça intéressant de voir qu'effectivement, on a ce type de jeu qui se développe et avec quelque part à la croisée des genres, parce qu'on a le monde de l'univers dystopique et de la lutte contre l'adversité, mais on a aussi le monde de l'attention aux autres, du point de vue émotionnel, du point de vue des enfants d'ailleurs aussi. Enfin, moi, je trouve ça riche qu'on ait quelque chose qui... c'est pas pour rien que ce jeu a eu le grand prix du jury, hein, c'est que ça, c'était à la croisée de plusieurs choses qui étaient... qui éveillaient un intérêt fort chez les gens, quoi. Ah bah, qu'on soit très clair, moi quand j'ai amené mon sujet, je ramène un peu la couverture à moi, Fanny, tu m'en pardonneras. Quand j'ai choisi ce sujet-là, j'ai pas d'un seul coup une illumination merveilleuse. En fait, je vois pas mal de signaux faibles à droite à gauche, de production, de gens qui se mettent à faire des choses, de discours qui se tiennent. Et je pense qu'effectivement, il y a un truc qui est en train de se jouer de ce côté-là pour pas mal de monde et que c'est le moment où il y a de la lumière à mettre sur ces initiatives pour y voir un tout et qu'effectivement, dans les jeux, mais ce dont tu parlais, Fanny, était assez proche, dans les jeux où on est là plutôt pour s'intéresser à l'autre que pour faire des frags, il y a plus qu'un tressautement, quoi. J'ai l'impression, une vague de fond qui est en train de se former. Oui, c'est bien, parce que moi, c'était un élément aussi que je voulais dire, que les dating sims, c'est cool à jouer, c'est rigolo, hein, faut dire. Comme les visual novels, ça permet une immersion qui est importante et justement qui va permettre d'autres types de mécaniques émotionnelles à instaurer et donc être dans le care ou en tout cas dans le fait d'essayer de se mettre à la place de quelqu'un d'autre à la place d'un personnage fictif. Ce que j'aimerais voir de plus en plus apparaître, c'est des meilleures représentations, des représentations plus larges. Actuellement, on a quand même des jeux où l'avatar, c'est un personnage féminin qui est mignon, qui est mince, qui est classique, voilà, dans des trucs comme ça. Ça, je trouve ça dommage. J'espère bientôt pouvoir voir aussi d'autres formes de corps apparaître, d'autres genres, voilà, d'autres réalités dans ce qui sera proposé. Mais c'est vraiment une dynamique que j'ai l'impression aussi de voir apparaître. Alors, c'est des jeux indés, comme j'entends parfois ça, en fait, dans ce qu'on me répond. C'est des jeux indés, c'est des petits machins, c'est des... Bah ouais, mais c'est pas tant des petites expériences que ça, en fait. Elles commencent à prendre vachement de place. Et c'est plutôt une... peut-être une bonne chose. Peut-être aussi une faiblesse de ce qui a été longtemps vu comme un univers très marketing de « Oh, bah, de toute façon, les joueurs, ils sont cons, ils veulent ça. Pff, allez, hop, on va leur donner de quoi mitrailler, de quoi ci, de quoi ça. » Et que peu à peu, on prend conscience que bah, les joueurs, bah, c'est des humains complexes comme un autre, comme d'autres. Et que on peut jouer sur d'autres choses que ces points-là, en fait. Hein, et que c'est un peu ce que Karim Debbache disait avec les enfants, en fait. C'est pas parce que c'est pour les enfants qu'on fait un truc de merde. Au contraire, c'est parce que c'est les enfants, donc on va faire un truc encore mieux. Bah, pour les joueurs, c'est peut-être un peu ça. C'est qu'on s'est dit, oh, de toute façon, les joueurs, ils sont cons, on va faire des trucs de merde, ils vont les acheter. Et puis petit à petit, ils se rendent compte que bah, non, c'est des gens qui ont un esprit critique et qui veulent des choses peut-être plus humaines, plus dans le care, plus morales. Et, ah bah mince, on va peut-être commencer à tabler là-dedans. Et je me dis, si économiquement, ça commence à se valoir de faire des choses dans le positif, dans le care, dans tout ce qu'on veut, et bah c'est qu'humainement, c'est qu'il y a une progression aussi dans l'image qu'on véhicule en tant que joueur et en tant que joueuse, ce qui est plutôt positif. Je vais passer à mon sujet aussi. Parce que je pense qu'on s'enchaîne très très très très bien. On n'a pas fait exprès, mais en fait, ça s'enchaîne vachement bien. Oui, bah, chacune a choisi son sujet de façon totalement indépendante, en plus. De mon côté, j'aimerais parler du jeu et des addictions, de l'addiction au jeu de façon plus globale. Parce que, alors, il y a un événement déclencheur, hein, c'est très très d'actualité. Le 18 juin, donc il y a quelques jours, le 18 juin 2018, on va dater parce que peut-être que vous êtes, peut-être qu'on voyage dans le temps et que vous êtes dans quelques années. Donc le 18 juin 2018, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a publié sa CIM 11, donc la classification des maladies, classification internationale des maladies, dans sa 11e édition. Et il y a eu quelques petites modifications par rapport à la CIM 10. Alors, dans les petites modifications, parmi lesquelles, bah, c'est ce qui m'y a intéressé, hein, il y a la transidentité qui n'était pas nommée comme ça, qui est sortie des maladies mentales, des troubles mentaux, et qui est désormais toujours dans la classification pour des raisons de prise en charge. Parce que beaucoup de pays, en fait, il y a des pays, des systèmes de santé qui se basent sur cette classification des maladies pour savoir si on prend en charge économiquement les affections. Et donc la transidentité reste, mais pas dans les maladies mentales. Alors c'est considéré, alors c'est très discutable et discuté, mais comme une affection liée à la santé sexuelle. Alors à tort, à raison, c'est tout un autre débat, c'est pas le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Toujours est-il que dans la justification de l'OMS, il y a le fait de ne pas stigmatiser les populations, donc c'est bien qu'il y ait une conscience du fait que le statut de maladie mentale peut stigmatiser et créer des mauvais traitements dans le soin. Parce que cette classification, elle sert à quoi? C'est important de le préciser. Elle sert à plusieurs choses. Déjà, c'est un outil diagnostique, particulièrement en psychiatrie. Alors, selon les pays, selon un peu les écoles de psychiatrie et de psychanalyse, etc., c'est pas exactement géré de la même façon. Il y a des pays où on va plutôt se baser sur la classification des maladies. Il y a d'autres pays où on va se baser sur le manuel de psychiatrie américain, le DSM. Ça dépend. Toujours est-il que c'est un enjeu de diagnostic. C'est un enjeu aussi statistique, parce que on va, grâce à, en fait, c'est une classification qui va fournir un codage grâce auquel on va avoir des grands chiffres de dans tel pays, il y a tant de personnes atteintes par tel syndrome, etc. Donc ça permet aussi de dégager des tendances et de savoir quels sont les enjeux de santé publique dans telle ou telle région dans le monde. Donc, là-dessus, il y a un nouveau trouble mental qui est apparu. C'est, alors, on pourrait dire vulgairement l'addiction aux jeux vidéo. Très concrètement, comment c'est mentionné dans la classification des maladies, c'est comme le gaming disorder, donc trouble du jeu, ou trouble du jeu vidéo plus précisément, si on lit vraiment la description du disorder. Alors, en introduction, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'une maladie mentale ? Parce que je pense que c'est important de préciser ce qui est considéré comme maladie mentale. C'est un trouble mental apportant inconfort ou souffrance au sujet. C'est exactement pour cette raison, d'ailleurs, que la transidentité, que j'avais mentionnée plus tôt, est sortie de cette catégorie-là. C'est que c'est plutôt la pression sociale et les biais de genre qui font l'inconfort et pas ce que ressent la personne. Là, pour l'addiction aux jeux vidéo, plus précisément le gaming disorder, donc le trouble du jeu vidéo, qui est dans la catégorie parente, parce que c'est toute une arborescence, hein, disorder due to addictive behaviors, donc trouble issu de comportements addictifs, donc c'est quand même considéré comme une addiction. Pourquoi ? Parce que ça apporterait effectivement ou un inconfort ou une souffrance au sujet. Alors quel inconfort, quelle souffrance peuvent ressentir les gens qui sont addicts aux jeux vidéo ? En quoi ça peut être vraiment un problème ? Alors là, on se penche un petit peu sur la description de cette caractérisation de maladie. Alors je vais traduire à la volée, mais il y a trois critères. Il y a trois critères. Le premier, c'est un contrôle altéré sur le jeu en lui-même. Donc que ce soit en fréquence, en intensité, en durée, en finalité du jeu, en contexte, etc. Le deuxième, c'est une priorité croissante donnée au jeu, tant et si bien que le jeu prend préséance sur tous les autres aspects de la vie. Et la troisième, c'est le fait que cette pratique va encore croissante malgré les conséquences négatives et malgré les tentatives de le faire cesser. Donc là, c'est vraiment les trois conditions qui sont données au diagnostic de trouble mental du jeu vidéo. Évidemment, moi, ma réaction instinctive, ma réaction émotionnelle a été immédiate, c'est stigmatisant. Enfin, c'est immédiatement, j'ai eu une réaction émotionnelle qui a été de dire pourquoi en faire un trouble mental ? Est-ce qu'on risquerait pas d'avoir l'arbre qui cache la forêt du fait que le trouble du jeu vidéo finalement ne serait là que parce qu'il y a un autre mal-être et qu'on s'attaquerait aux conséquences, on s'attaquerait aux symptômes et pas aux véritables causes du mal-être, aux véritables troubles. Et en fait, je me suis renseigné un petit peu parce que j'ai eu cette réaction émotionnelle. Et alors, là-dessus, cette réaction émotionnelle est complètement encouragée par l'industrie. C'est ce que j'ai constaté aussi à ce moment-là. C'est Julien Villedieu, le délégué général du SNJV, donc syndicat national du jeu vidéo, qui, pour rappel, est une corporation de patrons, hein, a dit, suite à cette annonce-là, la nouveauté, c'est la méthode qui peut surprendre. L'OMS ne se base sur aucune étude. Il n'existe pas de consensus actuellement dans les mondes scientifiques et médicaux pour qualifier l'addiction aux jeux vidéo de maladie. Ce qui est extrêmement paradoxal, parce que l'OMS en soi est un consensus. Donc le fait que l'OMS se base dessus est une forme de validation qui est discutable. Non, alors, parce que là, je parle pour ma crémerie, mais l'OMS peut parfois aussi donner des recommandations qui ne reposent sur rien. En fait, c'est un problème. Il y a des groupes de recherche de médecine qui vont faire des analyses, des méta-analyses, qui vont recouper des données dont c'est le travail, et c'est un travail de malade, qui vont arriver à des recommandations, qui vont arriver à des statuts qui ont été parfois complètement foutus à la poubelle par l'OMS parce que ça ne correspondait pas, je ne sais pas à quel titre, au discours qu'ils voulaient véhiculer. Il y a eu des problèmes, en fait, dans le milieu médical. Je pense... alors là, j'ai pas les intitulés en tête, je ne suis pas à mon travail, donc c'est difficile de garder ça en tête. Mais je pense notamment au groupe, ce qu'on appelle la Cochrane, qui est un un groupe de médecins, en fait, de professionnels médicaux qui vont être dans l'analyse et la méta-analyse d'études médicales. Donc c'est ça le boulot, en fait, de coupler ça. Et en fait, je suis désolée du coup de te couper, je m'insurge depuis le début parce que j'ignorais ce truc de l'OMS. Il y a eu quand même plusieurs analyses et méta-analyses qui ont prouvé que, en termes de pratiques addictives, les cas de pathologies addictives aux jeux vidéo sont extrêmement rares, et qu'on peut parler de pratiques de jeux excessives, on peut parler de pratiques addictive appliquée aux jeux vidéo, mais dans le cas de quelqu'un qui est dans un cas d'addiction, et que de toute façon ça serait du jeu, ça serait autre chose, ça serait la même chose. Et j'ai encore lu, il y a pas très longtemps, une étude américaine qui faisait ce constat-là. Et du coup, je serais très curieuse, donc ce n'est pas contre toi, mais de connaître l'origine de l'OMS. Et dans ces cas-là, c'est aussi, il faut l'expliciter, parce que je trouve effectivement que c'est hyper stigmatisant. Parce que quelqu'un qui passe son temps à lire, on va rien lui dire. Alors que quelqu'un qui s'échappe dans les livres, pathologiquement, c'est pas aussi, c'est pareil que pour le jeu, en fait, c'est pas bon. J'avais un développement après, tu sais. Je suis désolée. Non, parce que j'étais au début, là, j'étais à l'intro, tu sais, Fanny. Alors, je comprends que tu puisses réagir, et mais on est d'accord. C'est-à-dire que... Alors, je vais avoir du mal à reprendre, parce que ce que je disais, donc, c'est que c'était paradoxal, dans le sens où l'OMS fournissait une légitimité au diagnostic. Voilà, ça fournit une légitimité au diagnostic. Il se base, alors j'ai fait quelques recherches, hein, il se base sur des recommandations d'associations de psychiatres aussi, parce que il y a toute une guerre autour de ça. Et c'est compliqué du coup de réordonnancer avec ton interruption sans vouloir te jeter la pierre, parce que j'allais y venir en fait. comment reprendre? Je vais reprendre tout simplement avec ce que je disais. Donc le SNJV qui vient là-dessus, la FJV, l'Agence française sur le jeu vidéo, donc qui est aussi de l'industrie, qui dit avoir peur que les raccourcis soient un peu faciles et que demain jouer à un jeu vidéo égale se rendre malade. Les jeux vidéo doivent être utilisés comme tout divertissement avec parcimonie, c'est tout. Et effectivement, et là je reboucle sur ce que tu disais, en 2012, l'Académie nationale de médecine recommande en conséquence d'utiliser le terme de pratiques excessives. Donc effectivement, il y a quelque chose de particulièrement étrange à qualifier d'addiction spécifiquement aux jeux vidéo, là où on pourrait se dire c'est un média comme un autre, on peut avoir une pratique addictive du jeu vidéo, mais on peut avoir une pratique addictive de la lecture, de plein d'autres médias. Néanmoins, il y a aussi des spécialistes, notamment des psychologues, des psychanalystes, qui viennent confirmer l'impression de l'industrie et qui viennent dire « Attention, il y a effectivement un risque de stigmatisation et une incompréhension du média jeu vidéo » qui vient renforcer cette impression qu'il faut caler un diagnostic. Néanmoins, ce n'est pas ce que dit la psychiatrie. Énormément de psychiatres, j'avais vu une interview notamment du docteur Phan, P-H-A-N, qui était interviewé par, je crois que c'était Psylab, ou je ne sais plus quelle était l'émission sur YouTube, qui venait interviewer ce docteur-là. Mais il n'est pas seul, il y a aussi le docteur Bruno Rocher, donc, qui est psychiatre au CHU de Nantes, qui viennent dire, non mais d'accord, il ne s'agit pas de stigmatiser le jeu vidéo en tant que tel, il s'agit de dire qu'on a quand même une immense majorité des patients qui viennent pour des pratiques addictives autour des écrans, pour une dérégulation autour des écrans, qui viennent spécifiquement pour le jeu vidéo, et ils disent qu'il y a intrinsèquement un enjeu de santé publique à responsabiliser les acteurs de l'industrie, à responsabiliser les gens dans leur pratique autour du fait qu'il y a quelque part des comportements d'évitement. Alors là, je vais détailler aussi en mettant en perspective avec autre chose. Il y avait un élément qui était déjà dans la classification des maladies, qui était le gambling disorder, l'addiction au jeu d'argent. Et cette addiction au jeu d'argent, qui est déjà bien connue et qui est déjà réglementée. Il y a en loi française des éléments assez stricts qui disent ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Généralement, c'est on n'a pas le droit de faire, sauf autorisation particulière. Par exemple, le PMU a le monopole sur les paris hippiques. Il y a des choses qui sont explicitement autorisées à certaines personnes, à certaines entreprises, ou par exemple à la Française des Jeux, et pas à d'autres. Et ça, c'est une question de responsabilité aussi, sans aller jusqu'à dire que la loi est bien faite, mal faite, etc. Mais c'est à la base pour des raisons de responsabilité, parce qu'on sait que ces industries-là se font de l'argent sur des troubles addictifs, sur des troubles mentaux, parce qu'on a un circuit de la récompense, et que ce circuit de la récompense, on sait aujourd'hui le manipuler, on sait faire en sorte que les gens ils tombent dedans et à vitesse grand V, et à leur faire consacrer des ressources folles, que ce soit en temps, en argent, dedans. Et ben, pour les systèmes de jeu, on a un petit peu des mécaniques qui sont très très proches, que ce soit des mécaniques de gambling, mais aussi des mécaniques d'environnement, des mécaniques sociales qui sont des trous béants. On se souvient très très bien de cette époque avec World of Warcraft, où quelqu'un achetait une copie de World of Warcraft, et où la phrase toute faite qu'on lui disait à ce moment-là, c'est « dis adieu à ta vie sociale ». Et ça, ça révèle non pas seulement d'une époque et d'une culture, ça révèle aussi d'un trouble. Ça révèle du fait que, effectivement, il y a un fort déséquilibre à ce moment-là qui se crée entre la pratique du jeu et les autres aspects de la vie de l'individu qui vont avoir tendance à être sacrifiés. Mais pourquoi ils vont être sacrifiés ? C'est parce qu'il y avait un problème sous-jacent à l'origine. C'est parce que le jeu vidéo n'arrive pas en terrain neutre à ce moment-là. On peut par exemple prendre l'anecdote d'un adolescent ou d'une adolescente en situation de phobie scolaire. L'adolescent en situation de phobie scolaire, il va se réfugier dans un jeu vidéo. Le jeu vidéo va être une pratique d'évitement qui va aller aggraver la phobie scolaire. Et c'est là où la caractérisation ou le codage est important. C'est parce que, non pas dans une idée, alors je me fais l'avocate là, mais c'est en tout cas la philosophie qui est défendue par l'OMS à ce moment-là, c'est que ce n'est pas une idée de stigmatiser les populations qui jouent aux jeux vidéo, mais bien de caractériser des pratiques abusives qui viennent en renforcement d'autres troubles, des phobies notamment, mais aussi des troubles de socialisation, et qui vont empêcher, s'ils ne sont pas caractérisés, de détecter ces autres troubles et de venir justement les traiter. Donc, le docteur Fan, notamment dans son interview, disait quelque chose de très intéressant. Il disait que même dans le cas de personnes qui sont en adolescence et qui sont en trouble du jeu vidéo, il est fondamental que le traitement ne soit pas paternaliste, que les parents ne soient pas là à dire « je te coupe internet à telle heure et puis t'as pas le droit, machin, tout ça », parce que là c'est le jeu du chat et la souris, ça sert à rien, ça mène à rien. Il est important que la personne qui détecte en elle, et moi je dis ça parce que je pense que j'ai eu un trouble du jeu vidéo un jour, que j'en suis sorti, mais je pense que vraiment j'ai eu une pratique addictive et envahissante à un moment qui venait envahir notamment ma vie familiale, ma vie sociale à un moment, mais c'est parce que ça me permettait de socialiser par l'intermédiaire du jeu, ça me permettait moi-même de me vivre par l'intermédiaire du jeu, mais quelque part ça venait à m'isoler aussi d'une certaine autre manière. Et je pense que quand on se rend compte qu'on a une pratique envahissante, qu'on essaye de la limiter mais qu'on n'y arrive pas, finalement, bien s'entourer, détecter cette pratique envahissante et tâcher surtout de détecter quel est l'évitement dont on fait preuve, qu'est-ce qu'on cherche à éviter, c'est avant tout structurellement la clé qui va nous permettre de sortir de ce comportement addictif. La question en suspens néanmoins, et qui est pour moi aussi très importante, c'est de faire attention, parce qu'en France, on a des biais très importants au niveau de la psychiatrie et au niveau de la façon dont on pense les troubles, et je pense notamment à l'autisme, parce que étant donné de la pensée freudienne et de la pensée lacanienne qui est extrêmement prégnante dans notre beau pays qu'est la France, on pourrait se poser la question de la prise en charge des personnes neurodivergentes dans le cadre du trouble du jeu vidéo et de la façon dont on pourrait mal les aiguiller et finalement les psychiatriser à outrance aussi par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est quelque part mon ouverture, avec le fait aussi que quelque part la négation à tout craint de ces troubles, qui représenterait selon les estimations, mais justement le codage permettra de le savoir plus finement, mais qui représenterait 5 à 10% des joueurs et joueuses ayant une pratique abusive du jeu vidéo, c'est intéressant de constater que l'industrie nie complètement et que la FJV comme le SNJV, en niant en bloc le fait qu'il puisse y avoir des pratiques addictives et que ça puisse poser problème véritablement dans la vie des gens et que ça puisse être des trous béants dont il est difficile de s'en sortir, finalement prêche complètement juste pour leur industrie, pour capter pendant un maximum de temps un maximum de revenus de la poche des joueurs et des joueuses. Donc ça, c'est aussi quelque chose à questionner. Déjà m'excuser pour mon intervention qui est sortie. Voilà, c'était vraiment l'intervention du cœur, surtout que je vais revenir sur ce que je disais sur le MES, j'étais en colère. C'était lié aussi à des publications d'études et j'ai vite fait regarder. Ça date de 2016, une recommandation sur l'allaitement qui était pas excellente. Voilà, et j'ai pu aider quelqu'un qui faisait un travail de recherche sur ce sujet-là. Donc j'étais au courant de ce truc-là, mais ça reste mineur, effectivement, les recommandations de l'OMS qui sont infondées aux yeux du néophyte. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je souhaite rappeler que, du coup, jusqu'à il y a quelques jours, j'étais considéré comme malade mental sur un autre truc, de par l'OMS en elle-même, et que la classification CIM-11, donc, qui est sortie là, il y a quelques jours, donc c'est la révision de la CIM-10, qui était sortie le 17 mai 1990 et qui avait aussi dépsychiatrisé l'homosexualité. Donc en termes de consensus scientifique ou non, je voulais juste préciser que effectivement ça faisait partie de mon déroulé que de revenir là-dessus justement. Alors je vais dans beaucoup d'axes qui ont été évoqués, mais il y a un truc que je voudrais souligner et que tu as dit, et je pense que ça mérite encore d'être souligné, c'est que tu as précisé que cette recommandation de l'OMS est un outil. C'est un outil, on en fait ce qu'on en veut en fait, on peut ne pas l'utiliser, on peut le laisser de côté. Et d'ailleurs tu l'as dit, les psys par exemple n'utilisent pas forcément cet outil-là. Donc c'est une première chose, c'est un peu comme en game design des fois, on se dit non, cette règle-là en fait elle est pas bonne. Donc on fait sa petite tambouille et en tout cas j'espère que les psys utilisent les outils qui vont dans un sens... qui va dans le sens du patient ou de la patiente. Peu importe après le terme qui est utilisé, si en tout cas ça peut aider d'une manière ou d'une autre, en tout cas à la personne à se sentir mieux, j'aurais a priori rien à reprocher aux outils. Après, effectivement, c'est le constat global, c'est les gens ont une pratique excessive du jeu vidéo. Ouais, enfin, je pense qu'on a tous connu quelqu'un. On a tous peut-être traversé un moment ou un autre de sa vie des pratiques excessives du jeu vidéo. Qu'on appelle ça addiction, pratique excessive, la belle affaire. Qu'est-ce qu'on s'en fiche. Après que l'OMS dit ça, oui, mais alors après, je pourrais sortir mon petit bouquin de la théorie du complot et rappeler que l'OMS, par exemple, n'a pas été tout à fait rose dans l'affaire du vaccin du chikungunya, où en fait, on a remarqué que les gens qui ont voté qu'il fallait absolument être vacciné contre ce truc-là appartenaient à des industries pharmaceutiques. On pourrait le rappeler, mais je ne vais pas le faire. On pourrait aussi rappeler que les industriels français du jeu vidéo sont quand même pas chiés parce que ce sont les mêmes personnes qui utilisent des psys pour faire leur game design. Par exemple, la personne qui a aidé au modèle économique d'Overwatch, le système de lootbox, etc., c'est une psychologue française qui a fait ça. On sait très bien que, notamment Ubisoft, a une politique de rachat de studios qui utilisent des psys dans leur fonctionnement. On le sait, ça. Donc, qui viennent jouer la fine bouche, dire « Ah non, mais non, on n'est pas du tout... on sait pas du tout de l'addiction. » Attends, quand t'embauches des psys qui sont spécialistes de l'addiction, on va pas jouer au con, quoi. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui reste ? Une fois qu'on a dégagé l'aspect commercial et l'aspect scientifique, est-ce qu'on revient au sens même du jeu ? Le jeu, c'est quoi ? Bah, alors, je vais ressortir mon bon vieux Kaiwa, celui qui date du premier épisode de Ludologie. Il a une phrase assez chouette. Il dit « Un jeu, ça reste un jeu tant qu'il n'y a pas de conséquences sur la vie privée. Tant que le jeu est spatialisé dans le temps et dans l'espace. » C'est-à-dire que, en fait, il y a un temps et un espace de jeu. Et ce qui se passe dans le jeu reste dans le jeu. Et je trouve ça hyper important. Alors, effectivement, on peut débattre que les messages, et je pense que tout ce qu'on a dit sur le care, c'est pas anodin. On voit bien qu'il y a des choses qui débordent du jeu. Toutefois, les axes qu'a pris l'OMS est assez intéressant là-dessus, puisque en fait, on vient vraiment parler d'une pratique excessive qui vient, détériorer la vie sociale, la vie familiale, la survie économique des personnes. Et effectivement, quand on a une pratique qui vient détériorer tous ces points de la vie, on est quand même sur quelque chose de grave. Non, moi je pense que la vraie personne à diagnostiquer, c'est peut-être, j'avais noté le FMI parce que c'est gratos et ça fait toujours plaisir. C'est le capitalisme parce que ça aussi ça fait toujours plaisir. Mais enfin voilà, c'est peut-être ces différents systèmes qui entretiennent soit des pratiques excessives, soit qui viennent stigmatiser des personnes qui sont peut-être en souffrance, qui ont peut-être effectivement des choses à fuir. Et effectivement, qu'est-ce qu'elles ont à fuir ? Pourquoi ? Dans quel contexte socio-économique ? Ça, ce sont les vraies choses à combattre. J'en suis tout à fait d'accord. Après, qu'on dise addict ou usage excessif, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Voilà. Enfin, moi, c'est mon avis, en tout cas. Moi, je suis jamais très à l'aise avec ces questions-là, parce que dire de quelqu'un qu'il est accro aux jeux vidéo, c'est ne pas prendre en compte un certain nombre de réalités, notamment le fait que quelqu'un qui a une pratique excessive en jeux vidéo, généralement une pratique excessive sur un jeu, et tous les jeux ne se valent pas en termes d'encouragement aux pratiques excessives. Et je pense que si on met tous les jeux, et notamment tous les jeux vidéo, dans le même panier, on stigmatise des jeux qui ne méritent pas de l'être, parce qu'il y a tout un tas de jeux qui ne provoquent pas, par leur nature, de pratiques excessives, des jeux qui ont une fin, déjà, des jeux qui n'ont pas vocation à être rejoués encore, des jeux qui n'ont pas été conçus, effectivement, en utilisant des psychologues pour créer des mécaniques de retour, des jeux qui n'ont pas d'encouragement à la dépense ad vitam aeternam des joueurs, et qui ont plutôt intérêt à ce que les joueurs terminent le jeu dans un temps raisonnable pour passer à un autre jeu que pourrait proposer le studio en question. Et je crois pas, moi j'en ai jamais rencontré en tout cas de joueurs qui avaient une conduite excessive en jouant à 50 jeux différents en même temps. En fait, les gens qui ont un comportement, une pratique excessive du jeu, jouent à un jeu de façon très très intensive, et c'est des jeux assez bien identifiés, que ce soit sur du free to play ou sur de MMO notamment, dans les deux cas des jeux qui sont conçus pour ne pas avoir vraiment de fin, pour inciter à rejouer constamment, qui sont des jeux qui fonctionnent sur des systèmes de dépenses continues ou des systèmes d'abonnement. Bref, à un moment où on a intérêt à ce que les gens reviennent et à ce que les gens restent, bah là, effectivement, les questions se posent. Ma tentation, c'est de répondre que dans ce cas-là, il faut jouer à des jeux faits par des boîtes qui n'ont pas les moyens d'embaucher des psychologues. Comme ça, au moins, on est un peu tranquille. Mais qu'en tout cas, mettre tous les jeux vidéo dans le même panier et dire on peut développer une addiction aux jeux vidéo dans son ensemble. Et en fait, si on enlève tel jeu, le joueur va se remettre sur n'importe quel autre jeu et ça lui fera exactement le même effet, et un peu illusoire et ne prend pas en compte effectivement le fait qu'il y a des vraies grosses disparités dans le domaine. Donc je crois qu'il y a des jeux qui sont conçus pour être addictifs, qui sont même bien conçus pour être addictifs et qui fonctionnent bien dans leur objectif. Et effectivement, le questionnement pour moi, il est à poser aussi du côté des industriels et de quels sont leurs objectifs. Et qu'à un moment, quand on a un vendeur de drogue, faut assumer qu'on vend de la drogue, quoi. Et on n'est pas en train de vendre des bonbons. On n'est pas en train de vendre des carottes. Avec les bonbons, on peut poser la question. Mais en tout cas, il y a vraiment un truc qui joue là-dessus. Et dire que le jeu vidéo dans son ensemble est un support qui provoque des addictions, c'est à mon sens faire montre d'une vraie méconnaissance de ce dont on parle. Ça reviendra à dire qu'on a une addiction à la piqûre, indépendamment de ce qu'elle contient. Ce qui est quand même un peu bizarre comme idée, même si je conçois qu'il y a des gens dont ce soit le truc. Mais je ne sais pas si on peut parler d'addiction, peut-être plus de kink dans ce cas précis. En tout cas, voilà, on confond à mon avis un peu le contenant et le contenu, qu'on gagnerait probablement à aller pointer des jeux précis qui provoquent des choses précises de parler du jeu dans son ensemble comme étant quelque chose qui peut provoquer des addictions. Merci Manu, parce que tu as dit de manière beaucoup plus calme, posée et développée une partie de ce que je voulais dire. Je pense qu'on aura remarqué que ce sujet me met très en colère. Et je mange un peu ma colère pour pas trop l'exprimer. Y a cet aspect-là, c'est que c'est comme l'État qui fait des pubs anti-tabac et compagnie ou anti-alcool et qui est bien content de se mettre l'argent dans les poches. Il y a quand même beaucoup d'hypocrisie derrière. Il y a aussi l'aspect où, comme tu le disais, Célène, où on confond symptômes et causes. Quelqu'un qui est très mal dans sa vie, qui finit par tomber dans l'addiction des jeux vidéo, il est dans l'addiction parce qu'il était mal dans sa vie, ou il est mal dans sa vie parce qu'il avait l'addiction. Il y a un moment aussi où il faut réfléchir. Il y a aussi pas mal d'études qui essayent de développer le fait que, un peu comme les allergies, les addictions, ça peut être croisé. On peut avoir aussi des pathologies addictives. Une grande partie de la construction de notre société actuellement ne fait que nourrir et voir valoriser ces formes d'addiction. Donc je trouve ça assez complexe. Là, c'est un joli bouc émissaire qu'est le jeu vidéo à travers cette recommandation de l'OMS, parce que c'est pas anodin. Ce qui me révolte, c'est le côté stigmatiser cette pratique culturelle, parce que c'en est une, quand bien même certaines personnes continuent à le refuser au jeu vidéo. Et je l'ai dit tout à l'heure en colère, parce que c'est un argument que j'utilise souvent, mais quelqu'un qui ne fait que lire, qui va se réfugier dans le monde de la lecture, sa pratique addictive, elle est aussi présente et va même presque plus la désociabiliser que certains jeux MMO où il y a quand même du contact avec d'autres personnes. Et c'est vrai que les jeux qu'on peut pointer du doigt, ce sont des jeux quand même qui sont en plus avec souvent des images, c'est de la survirilisation, c'est de la surcompétition. On est là, on revient sur ce que tu disais, Manu, il y en a certains, c'est l'endorphine à fond. Tu veux commenter ? Oui, j'ai quand même une petite nuance là-dessus, parce que Candy Crush typiquement fait partie des jeux qui sont conçus avec des mécaniques addictives, et en termes de survirilisation, on a vu plus. J'avoue, j'avais WoW en tête, ou entre autres. Mais oui, c'est vrai. Mais par contre, là, on est dans de la compétition, en fait, avec le moteur de jeu, avec ce côté réussite, mais qui est aussi un élément qu'on retrouve dans nos sociétés. Avec, y a des dynamiques de décroissance qui se mettent en place. C'est pas majoritaire, mais ça se développe de plus en plus, donc je pense qu'il y a quand même aussi globalement un refus de ces dynamiques là mais ça pointe du doigt des pratiques qui ont été créées pour être addictives, donc c'est hyper hypocrite, quoi. Voilà, c'est aussi pour ça que j'étais très en colère tout à l'heure. Encore désolée de t'avoir coupé. Personnellement, mon parti pris, il est plus pragmatique. Hein. C'est-à-dire que moi, ma réaction émotionnelle a été celle-là. Elle a été de monter au créneau en disant « Mais non, mais attends, mais je sors d'un trouble mental pour qu'on m'en sorte un autre. » C'est quand même un petit peu débile, quoi. Mais... Et en fait, en y réfléchissant, à l'heure actuelle, à l'âge que j'ai, à 30 ans, je n'ai pas une pratique excessive du jeu vidéo parce que justement, je tâche d'avoir une vie que j'équilibre au maximum. Mais je ne sais pas si il y a 15 ans, j'aurais pu dire la même chose. Je pense qu'à l'âge de 15 ans, j'avais une pratique excessive du jeu vidéo et que... Il y avait une tendance que j'avais à ne voir quasiment personne, à part des gens avec qui je pouvais parler de jeux vidéo, à ne surtout pas voir ma famille, à ne jamais partir en vacances. Et oui, mais quand ça t'empêche de manger et parfois de dormir, c'est que ça empiète d'une certaine façon sur un équilibre de vie. Et je pense qu'il est possible d'être ado sans dormir 3 heures par nuit, quoi. Je pense qu'il est possible d'être ado et de manger à ses repas et même en râlant de finir par aller manger en famille, quoi. Je pense qu'il y a des proportions à garder et que à un moment où si un ado ne coopère pas et ne veut pas entendre parler de ça, ça fait peut-être partie de son parcours de vie et j'en sais rien et je suis pas là pour le juger. Par contre, si un ado se rend compte qu'il est en train de foutre sa scolarité en l'air et que il a pas d'amis parce qu'il ne cherche aucun moyen de socialiser avec les autres et qu'il est en souffrance par rapport à l'école, au milieu scolaire et par rapport à son cercle familial, et que le jeu vidéo c'est certes un refuge mais c'est un refuge aussi d'autres choses, peut-être qu'il peut se responsabiliser aussi et parvenir aussi à sortir de ça. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans les interviews que j'ai regardées pour préparer cette émission, c'est que une bonne proportion des gens qui ont une pratique abusive du jeu vidéo ne prennent pas de plaisir à jouer. C'est vraiment le refuge en tant que tel. Et le jeu vidéo, c'est effectivement, et ça tu l'as très bien dit Fanny tout à l'heure, ça a été le jeu vidéo, ça aurait pu être autre chose. Il n'empêche que le jeu vidéo, par sa nature même, d'écran qui bouge, de luminosité, a une captation de l'esprit qui fait que énormément de pratiques excessives se cristallisent autour du jeu vidéo. Il y a un autre chiffre aussi qui vient aussi par rapport à ça, qui fait partie, alors je ne sais pas si on peut parler de propagande pour l'OMS, mais ça fait partie de la communication autour de l'OMS, c'est que le codage particulièrement en troubles mentaux n'est pas fait par le personnel psychiatrique, mais fait par le personnel infirmier. Et leur codification de la CIM-11 a été réfléchie pour être faite, non pas par un personnel psychiatrique spécialisé dans la codification des troubles mentaux, mais comme un codage diagnostique par les gens qui vont prendre en charge les personnes en disant « Ok, je connais pas le fin fond de l'affaire de ce que vit cette personne et le pourquoi de la cause » de pourquoi elle est là aujourd'hui, mais en tout cas elle vient pour une pratique abusive du jeu vidéo et c'est le codage, le premier codage qu'on va faire. Donc ça fait partie des explications aussi et ça fait partie de la narration en tout cas déployée par l'OMS qui dit en tout cas que de sa volonté c'est pas de la stigmatisation. Néanmoins je comprends, et c'est là où qu'on confonde le flacon et l'ivresse, comme le disait Manuel, j'ai quand même peine à imaginer. Ouais, mais. Alors, c'est certes Baudelaire qui disait ça, mais Manuel l'a dit aussi d'une autre façon à ce moment-là. J'ai peine à imaginer qu'un personnel de soins puisse commencer à dire c'est une addiction à Dota 2 ou c'est plutôt World of Warcraft qui est en cause. Je pense qu'on pourrait à la limite parvenir à identifier des mécanismes d'addiction en disant c'est du gambling, enfin du pari, c'est davantage l'immersion dans un milieu social valorisant, c'est comme par exemple pour World of Warcraft. Je pense qu'on pourrait parvenir dans l'idéal à identifier ce genre de choses, mais c'est une caractérisation de soins qui est quand même relativement profonde. En fait, juste pour ajouter, on sait déjà ça, mais en fait, c'est juste qu'on ne s'est pas intéressé à l'aspect médical, à l'aspect psy, c'est qu'on s'est intéressé à l'aspect argent. Parce qu'on voit par exemple que, je crois que c'est en Belgique ou au Luxembourg, où il y a plusieurs jeux qui se sont fait méchamment tacler sur leur modèle économique, parce qu'il y avait des mécanismes, en tout cas, qui poussaient les personnes à dépenser de leur argent. Plus que de raison. La formule est un peu pompeuse, hein, plus que de raison. Mais c'était le fond de la pensée. Et je crois que c'était, encore les jeux de chez Blizzard, étonnamment. Voilà, on a cité World of Warcraft, mais on aurait pu citer Hearthstone aussi, qui est un jeu de cartes aussi fortement addictif. Donc, c'est intéressant de voir que là, il y a une levée de bouclier généralisée, en fait. Du point de vue économique, c'est assez violent. Il y a une levée de bouclier assez violente parce que les États souhaitent quand même protéger leurs citoyens du point de vue économique, pas fou. Et c'est intéressant, en France, on voit aussi que ça commence à poser problème parce qu'on a des trucs qui sont très très similaires à des pratiques de casino. Et le casino, c'est taxé d'une toute autre manière que le jeu vidéo. Et là, on va pouvoir s'amuser, c'est bien parce que bon, pour les paradis fiscaux, c'est quand même... ça peut permettre de ramener un peu de sous dans la papoche. Et alors là, oui, sur l'addiction, bon, bah, on verra ce que ça donne. Moi, je suis très curieux en fait, de voir surtout comment les professionnels de santé, et je parle vraiment très globalement, vont se saisir de cet outil qui est bon, mauvais. En tout cas, moi, je ne suis pas assez calé pour le dire, mais qui décrit, encore ce que je disais, une pratique du jeu qui n'est plus un jeu. Et tu l'as dit, les personnes qui souffrent de leur pratique ne s'amusent plus à jouer, et ça c'est quand même le plus triste, je pense. Il y a un pont que je voulais faire avec le sujet du care, de l'attention émotionnelle aux autres, c'est que dans ces communautés de jeux, en fait, on a vu des guildes de World of Warcraft qui donnaient quasiment des astreintes aux gens et qui disaient vous devez être présent de telle heure à telle heure, etc. Et ça, je pense qu'on peut parler de mauvaises pratiques. Je pense qu'on peut parler de structurellement de méthodes qui font que les gens tombent encore plus dans ce trou-là et ont encore plus de mal à s'en relever. Et je pense qu'on peut au contraire former des communautés beaucoup plus vertueuses sur ces aspects-là, qui font attention à l'équilibre de vie des uns et des autres et des unes et des autres au sein des guildes, au sein des groupes de jeux. Et je pense qu'on voit ça apparaître. Je pense que ça se fait déjà. Faudrait creuser la question plus en profondeur. Il y a ça de mémoire, il y a même eu dans certains jeux des tentatives de mécanique qui incitaient à des pratiques limitées dans le temps, avec notamment des récupérations de points de vie ou équivalents qui diminuaient passé un certain nombre d'heures de jeu, voire qui s'arrêtaient complètement au bout d'un certain temps pour dissuader les joueurs qui avaient joué trop longtemps de continuer et qui poussaient les joueurs à faire un break d'un point de vue purement ludiste, quoi, pour être plus performant dans le jeu. Voilà, il peut y avoir un travail de ce côté-là, mais ça demande effectivement des prises de décision de la part des concepteurs. Et ben on a presque 2 heures là au compteur, les amis, donc je pense qu'on va pouvoir conclure. En tout cas, je pense que s'il fallait faire une synthèse de nos 4 chroniques, allez, je vais tenter le truc, je suis assez ouf. Il faudrait jouer plein, jouer bien, jouer entre amis, en famille, avec des gens que l'on ne connaît pas, qui sont peut-être différents de nous, mais ce n'est pas grave, tant que l'on prend plaisir à jouer et sans jugement des pratiques des uns ou des autres. Et c'est bien parce que c'est une... à mon avis, alors je laisse mes camarades juger, à mon avis, c'est une bonne synthèse de ce que nous essayons de promouvoir au sein de Ludologie. Alors nous, en tout cas, nous quatre, nous allons prendre congé nous allons prendre une petite pause estivale, mais on vous rassure, on ne vous laisse pas tout seul, puisque tout l'été, vous pourrez donc écouter les conférences du Stunfest que nous avons eu la chance et le bonheur d'animer, de co-animer, avec toute une bande de joyeux drilles que je vous laisserai découvrir. On se retrouve septembre, octobre, on ne sait jamais. De toute façon, on n'a jamais respecté trop de dates dans l'idéologie. Mais en tout cas, ça va peut-être évoluer, je vous avoue. On ne sait pas encore trop. On va avoir l'été pour faire évoluer la formule et en tout cas revenir avec plein d'idées, plein de questions, plein de sujets à creuser. Et en espérant vous retrouver nombreux et nombreuses. À très vite. Salut, salut. Est-ce que vous voulez faire un au revoir? Non. Au revoir. Au revoir.